Sympa. Pardon? À Coutain. Coutain. Oui. J'ai dit, les plages sont sympas. Ah oui? Tu as été récemment? Non, non, mais. Enfin, de mémoire, quoi. Ah, d'accord. Moi, ça me semble bien comme intro. Non. De quoi? T'as pas fait ça. Si, j'ai fait ça. Oh, mais t'es. Pourquoi? Allez. Hey, Hey, bonsoir! bonsoir. Ça va? Ah, pardon. Klung. Excusez-moi. Non, mais je. Kling, Oui, Klung. bah, c'est marqué, je sais bien. Un clair, un foncé. Alors, ce petit chocolat caramel, Eh ben, c'est biscuit. bizarre, parce que je ne ressens ni l'un ni l'autre. D'accord. Elle n'est pas fruit rouge comme je pensais. Ah, il faut meubler pendant. Donc, on est en train de déguster Un une Brewdog. BrewDog 5e Cent, une American Red Ale. Voilà. Et aussi, accessoirement, vous êtes dans Road to Hellfest, l'épisode 20 de cette saison 3. Je l'ai. Accessoirement, j'aime bien. Oui, bah c'est un peu. Oui. Non, ça Et aide donc, à. bienvenue. Je fais tout à l'envers. Je fais tout à l'envers. Comment Ça aide à situer vas-tu le truc. cette bonne semaine, Bob? Bah écoute, ça va bien cette bonne semaine, Jack. Eh ben, ça me fait plaisir. As-tu fait des choses intéressantes? Je veux dire, commençons par les politesses De. Ouais. de circonstances. Tout à fait. Des choses intéressantes. Non, on n'a pas le temps, c'est une Écoute. grosse Ah, émission. Donc, bonsoir! on va. Si c'est pour raconter tes mœurs, non, c'est pas trop. Hein. C'est pas très. Ouais, on s'en branle. Non, mais t'as une histoire Ah, intéressante? mais que dalle. Eh ben, alors, tu vois. Alors, on a une grosse émission parce qu'on avait déjà pris 5 groupes chacun. Et puis, il Ouais. est déjà 22h20. Donc. On est le 23 juin, donc oui, on a un peu à la bourre. On est le 14, qu'est-ce que Ah, tu le racontes? 14 juin, bon, ça va. Non, mais. Ah, bon, bah ça va Oui, on est alors. De quoi méga tu te large. plains? Du coup, Alors, je. ma semaine, eh bien. Vas-y, non, mais c'est. Non, vas-y, c'est bon. Bah écoute, il y a les sorties de la semaine. Est-ce Tout qu'on à en fait. parle rapidement? Oh, rapidement. Rapidement, parce qu'en Ouais. plus, il y a de la grosse sortie à venir aussi cette semaine. Bien long, pas écouté, super. Bah écoute. Alors, il y a le nouvel album de Amon Amarth qui est sorti il y a 15 jours déjà presque, une semaine et demie. Berserker. Qu'en as-tu pensé, tu? J'ai bien aimé, tu. Tu l'as écouté plusieurs Ouais, fois? bon album, tu. Ah ouais? Ouais. Moi, je me souviens beaucoup du début, mais peu de la fin. Ouais. Bah moi j'ai bien aimé. Eh ben, tant mieux. Est-ce Je me que. suis dit, ouais, sympa, j'aime bien. Cool. Vivement qu'on les voit en En festival. vrai, de live. De live. Très bien. Frank Carter. Bien, mais un peu. C'est parce que je m'attendais d'un nouveau Frank Carter, mais bien. Enfin, c'est un peu Ça ce. m'a trop fait penser à des albums un peu pop anglaise, tu sais, Ouais. Arctic Monkeys, tous ces groupes-là. Bah, il a un peu aseptisé son. Pas. Enfin, c'est un peu plus calme, quoi. Ouais. Ouais, Bon, on bah. voit bien que ça lui tient à cœur cet album, parce que je trouve ça assez personnel et assez. Ouais. Ouais. Bah, je l'ai pas écouté en entier, mais. Non, mais comme le titre Oui. de Butterfly, machin truc. À titre d'info, Joe l'a acheté en vinyle. D'accord, bon, bah, Voilà. il fait ce qu'il veut, hein, Joe. Nouvel album de Brutus. Pas écouter. Je l'ai écouté deux fois. Très, très bien. Très, Ouais. très bon. Ouais, dans la bonne continuité de ce que j'avais écouté avant et ce que j'avais aimé dans ma chronique. J'ai beaucoup aimé J'ai cet dû album. écouter un titre. Ouais, et donc? Et que j'ai trouvé intéressant Ah non, et non. sympa. Ouais, non, c'est très Mais après, sympa. j'ai pas écouté l'album entier. Ok. Bad Religion? Bad Religion. Carrément? Très calme. Ah ouais? Ouais. Enfin, tu vois que les mecs en ont encore sous le pied à l'âge qu'ils ont. Ce qui fait du plaisir. Ouais. Mais sinon, c'est calme parce que bah ils ont l'âge qu'ils ont aussi. D'accord. Bah, Mais j'ai pas écouté, mais. je l'ai trouvé très bien. Ok. J'adore. Et donc cette semaine, donc vendredi 17 mai, ce sera la sortie du nouveau Rammstein. Une grosse sortie, fort attendue par les gens, mais pas toi. Pas plus que ça, non. Ouais. C'est pas. Je t'avoue, je suis curieux, moi quand même. Mais bon, c'est vrai que. Ouais, je suis curieux aussi, mais pas euphorique, hein, à la Non, sortie. bah, non, non. Bah, Bah, déjà pas. T'es déjà, pas. à la base, je suis pas un fan de Voilà. Rammstein, donc. Très bien. Bon, bah, on verra s'il y a d'autres albums qui sortent et qu'on a raté, qu'on n'a pas Oh, il noté. y Et en a puis. plein, j'imagine, hein. Non, il n'y en a pas tant que ça. Genre, la semaine dernière, il n'y avait quasiment rien. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais tu sais, il y a des petits trucs, des noms qu'on Ah, connaît peut-être, pas, oui, non, non, qui non, sont mais. Non, pas. mais bah, en général, même dans mon rayon nouveauté, j'avais pas grand-chose. Ouais. Donc. Ouais, mais faut regarder, suivre les médias spécialisés. Il faut. Voilà, les spécialisés. Il faudrait qu'on suive quelque chose qui est spécialisé. Ouais. Très bien. Et bien, pour enchaîner, je te propose que je fasse un petit report d'un concert, parce que j'étais à un concert ce week-end. Quoi? J'étais à un concert ce week-end. Bah ouais. J'avais acheté un billet pour aller voir un groupe. J'étais au Stade de France pour voir Metallica. Ouais! Ah, attends, je regarde si je sature pas. Ouais, j'ai saturé. Donc un peu mon groupe de la vie, hein, pour les gens qui ont écouté depuis le début, ils devraient le savoir. Et les nouveaux arriveraient. Oui, j'aime Metallica. Concert au Stade de France. Donc qui dit concert... te le rendent bien. Exactement. Qui dit concert au stade dit petite déception pour moi toujours, parce que je préfère les concerts en salle. Le concert en stade, pour ceux qui connaissent le Hellfest, ça fait un peu penser au main stage. Donc il y a des côtés un peu désagréables à ça. Donc, première partie, Bokassa, qui est un groupe que j'ai découvert au moment où l'affiche, l'annonce a été faite, et que j'ai adoré, je n'ai cessé de le répéter, même à mon copain Bob, j'ai dit, regarde Bokassa, c'est bien. Même à lui, dans la nuit. Ouais. D'ailleurs, dont le nouvel album sort au mois de juin, et que j'attends avec joie. Donc, très très bonne prestation, même si forcément les gens n'étaient pas venus pour les voir, donc il n'y avait pas forcément encore beaucoup de monde, et qu'ils étaient aussi limités sur la place qu'ils pouvaient occuper de la scène. D'ailleurs, petite précision, j'ai eu la chance de gagner sur le site des places pour le Snake Pit, donc j'étais vraiment au plus près possible de ces groupes. J'étais au milieu. Je pouvais les toucher presque, mais il n'y avait pas le droit, parce que c'est fait amusant ce que je t'ai pas dit, c'est que dans le mail qui m'annonçait que j'avais gagné, c'était marqué « Ne pas amener de bouffe et ne pas toucher les membres du groupe ». Ouais. Ça te donne un peu la distance à laquelle tu es. Oui, c'est ça. Deuxième groupe, Ghost. Donc, comme je disais à Bob hors antenne, pour moi, Ghost, c'est devenu une espèce de spectacle de Broadway, de musical. Tobias Forge, c'est très carré, ça marche bien. Le mélange des nouvelles chansons passe bien avec les anciennes, parce que le set est hyper équilibré. Mais ça devient trop un truc avec des gestuels, où il est là, il fait son show et tout ça. On avait beaucoup aimé le concert qu'on avait vu au Hellfest en 2016. Ouais. Et là, je trouve que, en fait, voir Ghost en festival ou dans le cadre d'une première partie, ça irait, mais j'irais jamais les voir en tête d'affiche, parce que... Alors, effectivement, s'il y a un décor encore plus important, ça doit être bien, mais voilà, je les ai vus là, c'était sympa, mais ça devient autre chose. C'est plus un genre de concert que je peux apprécier. Puis, la venue de Metallica. Alors, c'est la... Je ne sais plus combienième fois que je vois Metallica. Mais là, c'était la première fois que je pouvais les voir d'aussi près. Et j'étais comme un gosse. C'est ce que je disais à Bob. C'est qu'on a beau faire genre, ouais, nous, on n'est pas fans. On est des mecs un peu normaux. Chaque fois qu'il y a un membre qui s'approchait de moi, j'essayais de le toucher. James, Robert, Kirk. Bon, il n'y a que Lars que je ne l'ai pas fait, parce qu'il était derrière sa batterie au loin. Mais, voilà. Donc, c'est moins évident. Une bonne prestation de Metallica, une bonne prestation de stade. Encore une fois, ce n'est pas forcément mes concerts préférés. Je dirais que sur l'ensemble, j'ai préféré peut-être Bercy, peut-être parce que le fait qu'ils aient une scène sur laquelle ils peuvent tourner tout autour et qu'ils viennent vraiment se balader, ou même peut-être une question d'acoustique qui est mieux gérée. Mais c'était quand même un putain de moment. En fait, j'ai préféré l'expérience de cela parce que j'étais dans le Snake Pit. Le concert en lui-même était très bien, même si au début, je les ai trouvés un peu plus mous au début, mais après, ça a été, ils étaient vraiment, puis ils ont donné la patate. C'est des vieux. Non, mais je pense que c'est aussi le temps de se mettre en route, quoi, vraiment. Ah bah non, mais c'est des vieux. Bah, un peu aussi, forcément. Ça aussi, je trouve que... Ça me fait la même avec Rob Zombie à chaque fois. Ah ouais ? 3 ou 4 morceaux, il a du mal, il rame et tout, puis au bout du 5e, il commence à se mettre dedans. Ouais, c'est parti, pas qu'il ramait, mais c'est que je trouvais qu'il y avait un peu moins d'énergie au début. Ouais, c'est ça. Mais après, vraiment, jusqu'au bout, et... Non, je sais pas, c'était... Bon, il y a eu le petit hommage à Johnny que tout le monde a pu voir sur tous les réseaux, même sur BFM. Donc c'était sympa, à savoir... Ouais. Que si tu n'es pas au courant, Bob, en fait, ils font ça dans tous les pays pour chaque... Ouais, je sais. Ouais. Tu savais. L'année dernière, ils avaient repris... C'était pas l'année dernière, mais c'était... La dernière fois. Ils avaient repris Antisocial. Et... Ouais, c'est ça. Mais dans tous les pays, ils reprennent des morceaux connus de gens connus. Et du coup, après cette reprise de Johnny, qui est courte, et c'est en ça que c'était bien et pas trop chiant, il y a eu son visage qui est apparu sur les écrans géants et tout. Mais c'est la baisse quand ils jouent aux États-Unis, ils rendent hommage à qui? Eh ben, il y a plein de gens aux États-Unis à qui peuvent rendre hommage. Oui. Les New Kids on the Block, Michael Jackson, East 17, tu vois, Tom Jones, tu vois. Donc bref, c'était comme d'habitude, un très beau concert, un concert de 2h30, et voilà, c'était un super moment, et je suis très content d'avoir claqué 90€ pour ça. Il est mort, Tom Jones? Non, ah, ouais, il ne rend pas hommage aux gens qui sont morts, hein. Ah. Parce qu'Antisocial, ils sont pas morts, hein, non plus. Pas encore. Oui, pas encore. Donc voilà pour ce petit report. Je te propose de passer maintenant à la rubrique, toute nouvelle rubrique qu'on a inaugurée cette semaine. La rubrique qu'on appelle l'exclu. Pas la seule rubrique. C'est pour ça. La seule. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Comme ça, moi, je sirote ma bière pendant ce temps-là. Qu'est-ce que je peux vous en dire ? Bah, qu'on l'a posté, hein. L'exclu. The Last Temptation. Non, mais contextualise. Ah, contextualise. Alors. Après ta superbe chronique sur le mauvais groupe. Oui, c'est vrai. Sur le mauvais groupe. Oui, sur plusieurs groupes, en fait. Que ça faisait qu'un. Je crois qu'il y avait quatre groupes qui s'appelaient Last Temptation avant celui-là. Donc maintenant, ça fait 5. Donc, comment dire ? Putain, là, ça. Ok, je te recontextualise. T'as pas de mémoire, c'est impressionnant. Ah, à ce niveau-là. Non. Donc, t'avais foiré ta chronique. Ouais, complètement. Je t'avais repris. Je t'avais dit, mais c'est pas ça, machin, et tu recommences. Ouais, moi, je t'avais tenu tête en disant, mais si, c'est ça, et tout. Et puis, au final, j'avais eu raison. Ouais. Coup de chance ou pas, Peter. Oui, c'est vrai. Guitariste du groupe. Et peut-être fondateur, je crois aussi. Il a dû aider pas mal. A écouté la chronique, ça l'a fait beaucoup rire. Et il est venu nous apporter quelques précisions sur le groupe. Ce que tu t'es rapidement évertué à nous venir nous raconter dans l'épisode suivant. Et bien sûr, dans vos échanges, tu lui avais demandé de nous faire, dès qu'il y aurait quelque chose à écouter, de nous le faire parvenir pour qu'on puisse en rediscuter. Voilà, c'est ça. Et donc, ce qu'il a fait... on l'a posté avec quelques jours de retard parce qu'on est des professionnels, mais pas tous les jours. C'est ça. Et on a donc pu écouter le premier extrait du futur album, j'ignore le nom, mais le premier extrait, Blow a Fuse, qui n'est pas le single qui est attendu pour le mois de juin. Voilà. J'ai bien résumé à peu près tous les mots. C'est parfait, super. Alors, je sais que Peter, dans ton message, t'avais dit aussi qu'il allait jouer un concert le 16, je crois. Oui. Sauf qu'il n'a pas précisé le mois. Ça doit être le 16 mai. Tu crois ? Ouais, c'est possible. Bon, en tout cas, il va... voilà. À Orléans, c'est ça ? Je crois, ouais. Ouais. En tout cas, on a pu écouter et découvrir donc, ce premier extrait d'un groupe dont on attendait beaucoup et pas grand-chose en même temps. Bah, ne sachant pas, oui, voilà, la surprise ne sachant Peter pas, nous répond. Parce exactement, que... avec la surprise et la joie, parce que du coup, de voir un groupe fraîchement créé qui débarque au Hellfest et en plus en main stage, on se dit, ouais, mais qu'est-ce que c'est ? Donc forcément, on avait un peu d'a priori, surtout qu'en plus, ils jouent en même temps que Stinky, et que moi, je serais parti voir Stinky, donc les a priori sont doublés, parce que je voulais pas... Bah oui. Je serre les dents, je vais rien lâcher. Et donc, qu'as-tu pensé, toi, de ce titre ? Bah moi, j'ai été agréablement surpris. Ouais, franchement. Je m'attendais à un truc un peu plus posé, moins rock, moins péchu, tu vois. Quand c'est parti, j'ai écouté le morceau et quand c'est parti, je me suis dit, oh putain la vache, ah ouais, pas mal. Ouais. Vraiment, ouais. Tu trouves que ça envoie pas mal tout ça ? Ça envoie pas mal du bois, ouais, ça dépulpe. Et du coup, ouais, le premier truc qui m'est venu, les premières notes, c'est Black Sabbath mais en plus burné. Ce que tu lui as dit. À Peter. Mais ouais, j'ai vraiment eu cette impression-là. Même la voix est pas aiguë, désagréable. Non, c'est et vrai. Et du coup, ça passe vachement bien et non, j'ai bien aimé. Bah moi, j'ai trouvé que c'était de la merde. Non, je t'écoute. En vrai, j'aurais. J'ai pas envie de dire que j'aurais aimé que ça soit de la merde, mais j'ai été vraiment agréablement surpris également. Et je fais, waouh, mais c'est putain, le morceau est top! En plus, même musicalement, le refrain reste bien dans la tête, je trouve. Ça marche bien, et du coup, ça m'embête parce que moi, je dois aller voir Stinky. J'irai voir Last Temptation. Du coup, ça y est, t'es. Bah ouais, du coup. Il y avait pas si un autre truc qui passait en même temps? Si, il y a un autre truc qui passe en même temps. Forcément, c'est un peu le concept. Le concept du truc. Mais ouais. Non, c'est une. C'est une bonne. Alors, non, mais en plus, c'est la bonne heure. Bah, c'est la première. C'est la première, donc du coup, c'est l'heure parfaite pour aller voir. Pour aller voir Last Temptation. Donc là, on est en face, il y a Chaos DI et Stinky. Ah oui. Chaos DI qui se trouve en Temple. Et, oui, c'est moi qui ai eu Chaos DI. Oui. Ouais. Oui. Donc voilà, moi c'est vrai qu'à 11h ça me botte bien, c'est juste après Voice of Hell. Il te reste le problème d'arriver à te lever. Non, tu déconnes. Ça y est, c'est fini. Deux ans de suite, ça le faisait. Attends, non, mais. Non, sauf le dimanche, oui. Ou le samedi, je sais plus. Non, il n'y a pas eu deux ans de suite où tu t'es levé tous les matins. Arrête tes conneries. C'est des cannellonies tout ça. Bon, en tout cas, un énorme merci à Peter pour cette exclusivité. Merci à toi. La première exclusivité Road to Hellfest. N'hésite pas à nous en faire d'autres. on est preneur des copies de l'album pour vraiment écouter et découvrir. Oui, c'est vrai. En avant-première. Et accessoirement, ça nous fera très plaisir que tu nous payes une bière au Hellfest. Voilà. Parce que c'est prévu. Oui, non, mais c'était peut-être prévu. Attends, c'était peut-être prévu que ça soit toi qui la paye. Ah ben, on se la payera mutuellement. Ça fait beaucoup, non ? Il est que 11h. Enfin, du coup, il sera un peu plus tard. Oui. Enfin, voilà. C'était notre première exclu. Merci à toi, encore une fois, Peter. Merci à l'Homestation. Merci à tous. Oh. C'était Road to Hellfest, saison 3, épisode 20. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye. Et des sabots. De bois. Putain. Tu la tenais, c'est dommage. Putain, j'y étais presque. Ouais. Bon, je te propose maintenant de passer à la rubrique news. La rubrique news, celle qui est après la rubrique exclue. Donc, elle n'est pas marquée la première, donc je vais la faire telle quelle. D'accord. C'est une news qui a été... Maison bleue. Non, c'est une news qui a été demandée par notre sponsor, Nielam02. Ah, salut Lani02. Qui n'est pas au courant qu'elle est sponsor cette semaine. Ah, mais encore pis. Bah c'est bien, les sponsors 3 semaines sur 2, sur 1, enfin sur 4 du coup, c'est bien. Bah ouais, non, la dernière c'était moi. Hein. Mais c'est pour ça, 3 semaines sur 4. Oui mais ça fait, on n'a pas fait d'émission la semaine dernière. Oui non mais je veux dire, ça reste quand même qu'on fait des... Tu vois, je compte le nombre d'émissions, pas le c'est nombre le, de semaines. C'est le moment où, vide. Où quelqu'un te dit, tiens, faut que je passe à Carrefour en fin de journée. Je dis, bah je vais y aller ce matin, écoute, pas de soucis. Bah voilà. Et bim. Donc, Aldebert, un ami de Bob... oui, c'est vrai qu'on a déjà fait un clip où il envoyait où les gens pouvaient envoyer des images d'eux en train de se filmer en train de chanter sur une chanson. Ah. Il a décidé de réitérer cette chose avec la chanson du gros son, la version avec Dagoba, en tout cas avec des musicos de Dagoba. Donc on peut se filmer en famille, père, mère, enfant, grands-parents, tout le monde en train de faire du karaoké sur cette chanson. Ah. Et après, il choisira certains morceaux pour en faire un montage. Mmh. Et ça sera un clip de la chanson du gros son. C'est voilà. Ça. Donc, à savoir que Aldebert est non seulement un mec très marrant et très fun, un super compositeur de chansons d'enfants et en plus un gros fan de métal. C'est d'ailleurs là-bas que tu l'as rencontré. Au Hellfest, oui. Au Hellfest, et que vous comme êtes ça, par hasard. Serré la main, faire échange de sang. C'est ça, ouais. Faites tatouer un cœur ou que vous rajoutez vos mains tous les deux, ça fait un cœur. Ça fait un cœur, deux demi-cœurs, ouais. Ah, c'était sympa. Mais bah, oui. On s'est longuement tenu dans les bras, on a pleuré, chaleureusement. Donc j'ai demandé pourquoi je parlerais de ça dans le podcast, et notre sponsor a dit, bah attends, il a dit Hellfest. Il a dit, au printemps, il y a le Hellfest qui revient. Enfin, pas de lien. Et il avait un t-shirt Hellfest. Mais bon. Ah. Les cheveux, ça lui va pas. Hein. Non. Mais bon, du coup, on ne discute pas les sponsors, parce que sinon... Hein. Ah bah après, on est sucré, tout ça. C'est ça, on n'a plus rien, donc... Merci beaucoup. Merci à toi, Lani. Tu vois. Lani, pour tout ce sponsoring. Voilà. Voilà. News suivante, mon ami Bob. Mais bien sûr, Bob. Ah, on en parlait. Alors, mais cherche pas. Non, mais je. Nous en parlions dans la rubrique news du précédent podcast, c'est-à-dire la dernière fois. Ouais. À savoir la sortie le 31 mai du CD DVD CD Blu-ray et double vinyle DVD d'Ultra Vomit à l'Olympe putain de Pia. Eh bien, cette sortie a un premier extrait pour faire patienter les fans et les gens lambda, comme toi et moi. Comme toi et moi. Mais pas comme toi ni comme moi. Et c'est à travers le morceau E-tron Digital Caca, entre parenthèses, un morceau dont on vous laisse imaginer le sujet. La bourse. Ou la vie, ça dépend. Oui, c'est vrai. Alors, as-tu été écouter cet extrait ? Bah oui. C'est... Et alors ? Eh bah oui. Oui, je suis bête. Oui, t'as été, forcément. Oui. Ah d'accord. Voilà. Pas moi. T'as pas écouté ? Non, par contre, il y a un nouvel extrait dans le sampler de ce mois-ci. D'accord. Non, parce qu'en fait, là, sur le lien que tu as partagé, t'as le morceau, E-tron, et à la fin, en fait, il continue. Le live. Ah oui. Sauf que, petite blagounette de leur part, c'est crypté façon canal. Et après, c'est marqué si tu veux continuer de voir la suite, oui. A, tu prends une passoire et tu regardes à travers. Mais ça, je le faisais, ça marche pas. Deux, tu vois, ils font un petit truc con comme ça. D'accord. Donc, voilà. Ah bah, ils sont rigolos. Ils sont rigolos. Ce sont des. Ah bah, fait amusant. Ah, dis-moi. Qui c'était qui avait-il pas avec moi dans le Snake Peace ? Pete. Dans le Snake Peace, ouais. Okay. Snake Pete. Ah, Metallica. Flocos. D'accord. Ouais. Ah bah lui alors. Il était venu en spectateur et fan de Metallica, je suppute. D'accord. Ouais. Bah en fait, ils étaient tous là, je crois. Ah bon ? Ouais. Ah bah pas parce dans... que j'ai vu un L Members se prendre en photo avec... bah t'avais Fetus, Flocos et t'avais... Ménard. Non, je crois qu'il était pas Ménard. Ah bah d'accord. Bah le bassiste alors. Ouais. Je me rappelle jamais de son prénom. C'est pas grave, il compte pas, c'est le bassiste. Oui, c'est vrai. Mais C'est un Floco, bassiste. c'était tout seul hein, quand je l'ai vu. Ou alors Ouais. j'ai pas vu les autres, Ou mais. bon, ils se baladaient, peut-être. Voilà, ils sont pas tout le temps Non, mais il avait peut-être pas tous collés accès au snack pit. comme des caniches. Oui. Et du coup, il était en mode incognito, il avait pas sa crête. Ha ha, le malin. Mais je l'ai reconnu quand même. Ha. On passe à la news suivante. Tu m'en prie? Mais c'est avec joie. Dans la série des news déjà bien fournies, mais dont je me fous totalement, Sepultura va entrer en studio au mois d'août. Qui est un mois sympa parce que l'été, la chaleur, maillot de bain et petit parasol dans le verre. Mais donc, Sepultura entre en studio au mois pour un album annoncé pour février 2020 chez Nuclear Blast. Un album enregistré au Fascination Street Studio de Örebro en Suède, un pays que nous, on aime. Et il sera aux commandes de Jens Bogren. Jens Bogren. Voilà. Ok, Tu vois, plein merci. d'infos sur un truc dont on se fout. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est bien. C'est News. maintenant au tour de la news secrète. Oui! La fameuse news secrète. On devrait faire une rubrique aussi. Juste. Ouais, faut... ouais. Après les exclus et tout Ouais. ça. Ah bah ça News va en faire du secrète. travail, tout ça. Ouais. Tu vois, on a déjà le News générique en plus. secret. Pardon. Tu vois? News secret. Faut pas le dire. Voilà. Mais pas vraiment en fait, qu'elle est secrète. La news qui n'est pas vraiment secrète. Bah, pas chute du coup. Oui. Le genre de bruit de couloir qui n'attendait qu'un tweet officiel pour devenir une réalité. Et c'est chose faite avec l'annonce du batteur Roy Mayorga, actuellement dans Stone Sour, mais précédemment dans Soulfly, a rejoint les fûts de Hell Yeah, en place et lieu de Vinnie Paul. RIP, décédé l'année dernière, en plein Hellfest. C'est vrai. Saloupio, en laissant le monde et ses frères de métal dans la tristesse C'est et la vrai. solitude et l'esselage. De plus, la date de sortie du sixième album a été lâchée et c'est pour le 27 septembre. Bref, deux bonnes nouvelles pour un bon batteur et un bon groupe. Que demande le peuple? Des sous, Macron démission, des gilets jaunes plus stylés. Eh ben, Peut-être, éventuellement. ah, carrément, c'est un Ouais. podcast qui part politique. Ouais. Ou des roues carrées. C'est marrant parce que tu vois, quand j'ai écrit ça, je m'attendais à des sous, Macron démission, Ouais, mais non, je suis pas. des gilets jaunes plus stylés. Ouais, à la rigueur, ça, ouais, des Tu gilets vois? jaunes plus stylés, tu vois. Avec des paillettes ou des. T'as des trucs un peu. Ouais. Ah, il serait Karl Lagerfeld qui dessine des gilets jaunes, ce serait cool. Il est mort. Ah, merde. Allez! Passons à la news suivante. Enfin, en même temps, c'est cool que Roy Mayorga rejoigne le. Bah, oui, bien C'est sûr. plutôt bien. Bah, Du coup, on pourra le voir l'année prochaine. ouais. Oh, je spoil. Oh, oh, peut-être une exclue? oh. Ouais, peut-être. Ça Est-ce me que dit tu crois rien. que nous. Ouais, je pense pas. Beaucoup. Écoute, on va tenter le coup, Mais hein. si. Alors, ça y est. Ça y est. Dis-le avec moi. Ça Ça y y est! est! Nous avons des news de Tool. Après l'annonce d'un début de Tool sur les sites de streaming type musical, même si pour l'instant il n'y a aucun matériel de dispo, au moment où j'ai écrit, hein, parce que peut-être que depuis ils ont rajouté un morceau. Tout, bref. Après l'annonce d'un album en enregistrement, d'un album terminé en mixage, d'un album en mixage et une pseudo date de sortie, puis une date démentie, c'est officiel. C'est le 30 août que sortira le nouveau Tool. Je suis joie. De plus, deux morceaux ont été joués en live lors d'un concert de Rockville. On peut donc découvrir Invisible et Descending. Je suis joie plus plus. Et donc la date de sortie a été révélée lors de ces concerts. Et après, par la suite, via une vidéo Instagram. Donc c'est bon. Cet été, on va vraiment pouvoir mettre des parasols dans les verres et écouter du nouveau Tool. Et ça, c'est cool. Ouais, Et donc non, ça c'est veut. Tool. Ça, ça veut aussi donc potentiellement dire que s'ils jouent déjà deux morceaux en live, on a des chances de les entendre au Hellfest. Putain, t'imagines. Ouais, ça c'est cool ça. Mais enfin, faut encore arriver à avoir quelque chose au concert du Hellfest. Ouais. Mais bon. Ouais. Donc c'est tout pour la rubrique news, parce qu'on ne veut pas trop perdre de temps, on veut pouvoir aller à l'essentiel, parce que ça fait déjà 24 minutes. Et on va donc passer à la rubrique news Hellfest, qui a deux, trois petits trucs, mais assez rapides. Donc je vous la fais déjà. Dans le Hard Rock spécial Metallica que j'ai acheté, parce que j'aime bien Metallica, mais ça je l'ai déjà dit, donc vous l'avez déjà compris, il y avait un spoiler de ouf. Un spoiler que j'ai retrouvé dans le Hard Rock du mois de mai. Donc j'étais un peu déçu, du coup je me suis dit que c'était peut-être pas trop un spoiler de ouf. Mais le 10 juillet, ou le 11, je sais déjà plus, Mais il y a le hors-série Hellfest 2019 qui sort. Voilà. D'accord. Ça me faisait rire. Ok. C'est un peu dans le futur, toi. Eh, hey, le 10 juillet. Ouais. Oui, bah oui. Donc, il est où l'intérêt du truc ? Bah, c'est le hors-série de Rockard. Ouais. Mais c'est le 10 juillet. Eh ben. Oui, d'accord. Bah, c'est un peu normal, ce sera après le Hellfest. Ah oui. Donc, du coup, c'est comme un report, quoi, en fait. Ouais, mais c'est déjà annoncé. Ah oui, c'est ça. Ah, waouh. Tu vois ? Mais c'est génial. Tu vois, t'es à tout de fou. Putain. Genre, le festival n'est pas passé. Que les mecs, déjà, bam, ils vont... ça se trouve, il est même déjà sorti. Mais non, il est déjà en impression. Bah ouais, peut-être. Tu vois ? Ça se trouve, il attend plus que d'être livré. Ça se trouve, il est déjà livré par erreur. Oh, t'imagines ? Ça, c'est quand même... Et du coup, les mecs savent donc déjà si tout l'a joué des nouveaux morceaux. Oh la vache, bah oui, c'est... Waouh. Alors, c'était pas... Il faudrait qu'on leur demande s'il fait beau. Comme ça, on pourrait éviter d'emmener des trucs trop chauds. Bah ouais, carrément. Pas con, pas con. D'accord. Je te propose de passer... C'était totalement nul. Non, mais je te remercie de pas m'avoir laissé. Il aurait été facile et... Voilà, ouais, de te laisser dans ta merde. Ah, bah, mais ouais, grave. Donc, je t'en prie. Alors, The Voice of Hell, c'est terminé. Oui. Oh. Oui, c'est un peu triste, terminé. Bah, est-ce que t'as donc pu écouter beaucoup de groupes ? Non, que dalle. J'ai écouté aucun groupe, en fait. Et nous connaissons les gagnants. Ou plutôt, les gagnantes. C'est donc le groupe Fallen Lilies. J'ai récupéré quelques informations sur leur page Facebook. Ah, ça c'est bien. Je vais Fais-nous en part. Alors, c'est un groupe de 4 filles qui vient de Montbéliard. Il y a la chanteuse-guitariste Hélène, la batteuse Marine, la guitariste lead ou soliste, ou je bouge mes doigts très vite parce que c'est plus stylé, Laura, et à la basse, Ludivine. Donc comme ils disent, let's punch the lily inside you, get out bitches. Ok. D'accord. Fallen Lilies, pourquoi ? Parce qu'on est 4 nanas qui font la fête, qui traînent dans les salles de concert, dont le vernis est écaillé, c'est pas terrible, et qui ne cherchent pas à rentrer dans le moule de la femme qui attend gentiment qu'on lui ramène sa pantoufle de verre. Les clichés, les attitudes qu'on attribue à la femme parfaite, nous on s'en fout et on le dit. Putain, ça balance. Ouais, non, moi ça me fait un peu peur des trucs comme ça, moi. Moi, si c'est pour faire des trucs de virilité, je suis pas le bon de l'homme. Ouais, non, puis moi, je veux dire, non. Celui à qui pisse le plus loin, tout ça. Ah ouais, non, bah, je perds parce que j'ai un petit truc. Alors, notre son, de la disto à gogo et un son saturé bien comme on l'aime. Pas de style défini. Si on doit parler d'inspiration, alors on dira le heavy rock et le garage. Ce qui est très pratique pour ranger une voiture. Si c'est le mien, c'est le bordel. Hein. Ouais, pour ranger une voiture. Bah, je peux pas, non, c'est le bordel plus. Ouais. Alors, branchez vos casques, écoutez et venez bouger avec nous dès que possible. Bah, à Clisson, parce que je peux pas forcément. Ouais, bah oui. As-tu été écouté ? Non, j'ai pas été écouté. Eh ben, je l'ai fait, moi. Ouais. Et c'est pas mal. D'accord. C'est pas mal. Ouais. Y a pas beaucoup d'extraits dispo, ou alors j'ai mal regardé, mais... J'ai cherché, puis j'ai pas trouvé, alors j'ai abandonné. Bah, j'ai trouvé, j'ai trouvé un vrai morceau sur YouTube, un vrai clip. Ouais. Bon, voilà, je vais pas parler du clip, mais... ouais. Non, okay. Mais en fait, c'est un clip... Fin... Non, bah, ça fait forcément prétentieux et branleur quoi que je vais dire, donc je vais pas le dire parce qu'avec la qualité de notre podcast, on peut pas se permettre. Mais, ah non, ça c'est sûr. Mais le morceau est plutôt très efficace et très sympa. Ouais. Et venez pas nous dire, les filles, bah vous avez qu'à réaliser notre prochain clip, hein, parce qu'on vient et on le fait. Hein. Ah chiche, alors là tiens, sans problème. Faites gaffe, nous on est capable de tout, on peut très bien se déplacer, on a une 307 et une Clio. Ouais. Donc, deux 307, mec. Exactement. Attends, on en a une grande et une petite. Et puis, si on savait faire des clips. Non, on sait faire des clips. S'ils savent pas qu'on sait pas. Carrément. Non, mais de toute façon, ils ont pas à le savoir. On sait faire des clips. On sait faire des clips. On sait même jouer les acteurs. Exactement. Regardez. Oh, là-bas. Parce que moi, je suis pas vraiment acteur. Ok. Alors. Il est très drôle, la Cité de la Peur. Je suis désolé. Ça peut pas être pire que Game of Thrones. Alors bon, passons. Bon, quoi que les acteurs, ça va. Oh oui, grave. Non. Je suis complètement. C'est le scénar. Que... Alors je t'en prie, passe à la dernière news. Ah merde, attends. Bonne nouvelle. Le Hellfest est de nouveau finaliste pour le Heavy Music Award édition 2019. Mm-hmm. Donc on peut tous aller voter sur le site heavymusicaward.com. Exact. Ok, dans la rubrique Best Festival. aux côtés de 2003's Festival. Exact. Artangant. Exact. Bloodstock. Exact. Opener. Download UK. Slam Dunk Festival. Wacken. Wacken. Pardon. Opener. À noter que les 5 premiers sont anglais, le Wacken c'est allemand et le Hellfest c'est français. En tout cas, le Hellfest compte sur notre soutien et espère que leur travail est à la mesure de nos espérances. Donc si on veut, si on veut rendre service, faire plaisir, on peut aller voter. Tout à fait. Voilà. Sur le lien... heavymusicaward.com. Exact. Vote.heavymusicaward.com. Voilà, vote. Juste petite info... y a pas alors déjà et d'une dans les meilleurs photographes j'y suis pas ouais bah moi non plus des... oui enfin moi j'y étais pas et il y a pas du tout de rubrique podcast c'est quoi cette merde donc on n'y est pas non plus bah en même temps on est les seuls du coup bah sur le non mais il y a pas forcément pas on serait forcément gagnant quoi direct non mais, non il y a des podcasts métal autres que le nôtre ouais non mais je veux dire si ça ah oui bah oui, oui. Ouais c'est vrai ça. Bah c'est peut-être parce que justement ils veulent pas nous mettre dedans que ils veulent pas non, mais je faire une rubrique podcast. Je comprends, les gens n'osent pas tout parce ça. Ils savent qu'on montrait directement au créneau puis que ça chierait quoi. Ouais non c'est vrai je comprends. Du coup voilà pour les quelques news Hellfest, on va maintenant passer à bah il y a aussi quand même 2-3 autres trucs qui sont passés mais quand même pas trop d'intérêt. Enfin s'il y avait un truc qui avait un intérêt c'était le l'after movie du warm up du Zénith de Nantes. Oui exact. Ça, c'était intéressant. Ouais. Et ils ont fait aussi des petits rétrospectives en disant « Ah, au fait, on fait une 100% franchise. Ah, au fait, on fait une 100% trash. » Voilà. Du coup, on va revenir sur ce qu'on avait plus ou moins annoncé dans le dernier épisode. Alors, j'avais annoncé bêtement qu'on allait revenir sur chaque scène. Mais en fait, c'est plutôt sur chaque partie du festival. Il ne reste plus beaucoup d'épisodes. 5, je crois. Enfin, avec celui-ci, 5. Donc, on va essayer un petit peu de faire quelque chose de rapide. Donc, on va commencer aujourd'hui par l'arrivée au Hellfest plus le Hell City Square. Donc, on va se servir de ce qu'on a, c'est-à-dire le livret d'informations, pour tout savoir comment arriver sur le festival. Merci, Rocard. Il y a beaucoup de moyens de venir. Si vous avez un avion, c'est moins pratique, sauf si vous avez accès au... Et puis, il n'y a pas Iron Maiden cette année. Donc... Ah oui, donc ça sert un petit peu à rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que déjà, il y a des navettes pour venir. Tout à fait. Donc, en partenariat avec la société Mon Amiligo. Des navettes estampillées Hellfest et des bus seront mis à votre disposition du jeudi 20 juin au lundi 24 pour assurer votre déplacement sur l'ensemble de la commune de Clisson et au-delà. Donc il y a possibilité de venir de la gare de Clisson à Hellfest, de Clisson à Clisson, de l'aéroport de Nantes au Hellfest et de la gare de Nantes au Hellfest. Gare de Nantes, accès sud. Tout à fait. Pour les trajets depuis et vers la gare de Nantes, l'utilisation des trains SNCF, plus rapide et plus économique, est à privilégier. En parlant de ça... Une petite chose que j'ai remarqué, les trains qui sont en partenariat avec la région des Pays de la Loire et en collaboration avec la SNCF. D'ailleurs, la SNCF aura un stand au Hellfest où on peut réserver des billets et tout ça. Mmh. Donc, ils ont fait une tarification préférentielle qui a été mise en place pour assurer des déplacements en train ou en autocar. Donc, le trajet aller ou retour de n'importe quelle gare des Pays de la Loire à Clisson est de 5€ par personne et par trajet. Ce qui est quand même très sympa. Ben ouais. Et j'ai regardé tout à l'heure, j'ai fait le test en allant essayer de voir pour des billets sur internet. Et moi, ils étaient marqués à 4€. Ah bah, tu vois. Donc voilà. Donc c'est plutôt sympa. Il y a aussi des trains de nuit qui vont circuler à 1h, 2h15 et 3h30 avec, qui vont desservir par contre toutes les gares. Donc, mais il y a cette possibilité-là. Il n'y a pas comme les dernières un train spécial qui vient de Bordeaux. Je crois qu'ils n'ont pas réitéré du coup. Ouais. Mais bon, non, ça. On n'a pas vu en tout cas passer. Non, on n'a pas du tout vu l'info. Ensuite, il y a aussi donc un aéroport depuis Nantes. Ah oui, parce que j'ai dit ou pas. Parce que les navettes, il faut les réserver quand même. Je crois. Merde, là, je ne l'ai plus. Oh, oui, c'est ça. Les tarifs, c'est 2€ par personne et par trajet. Si on vient de si on part de la gare de Clisson jusqu'au Hellfest, si on vient par contre de l'aéroport de Nantes ou de la gare de Nantes, c'est 10€ pour un trajet de jour, 15€ pour un trajet de nuit. Donc le jour c'est de 7 à 20h et de nuit c'est de 20h à 7h. Et 5 personnes minimum par navette. Donc du coup. Et de Clisson à une autre destination, le tarif est sur demande. Il y a aussi bien sûr la possibilité de venir en voiture. Et donc qui dit viens en voiture dit garage sur parking. C'est ça. Donc, à savoir que les parkings seront mis à disposition dès le jeudi, je suppose. Oui. Il y a toujours des gens qui viennent avant, comme j'en parlais justement avec notre ami Julien, notre fan Julien, aujourd'hui. Il y a toujours des campeurs qui peuvent arriver le mercredi. Normalement, c'est pas ouvert, mais ils ont tendance à laisser les gens aller quand même s'installer. Donc c'est, on va dire, toléré, mais pas conseillé. L'ouverture est donc le jeudi matin. Le Hellfest ouvrira cette année le jeudi matin à 9h. Donc c'est important de le savoir. Contrairement à d'habitude où c'est 16h, voire 15, 14 selon. Voilà. Donc là, 9h, ça sera peut-être 8. Enfin, à mon avis, ça me semble un peu chaud quand même. Mais bon, déjà 9h. Donc le principe des parkings, ce sont. Si c'est la pause bracelet 9h, Oui? ça peut déjà fluidifier beaucoup plus le. L'après-midi? Ouais, je pense, Bah ouais. évidemment, ça sera beaucoup plus. Oui, mais sauf que c'est 9h où. C'est peut-être en prévision aussi du. Du Bah, Knotfest. c'est sûrement en C'est prévision. complètement même en prévision du Ouais. Knotfest. Du coup, les parkings seront des ce qu'on appelle communément, ce qu'ils appellent des parkings publics, ce sont des champs. Où. Oui, hein, on va Ah oui, pas. non, complètement. Il est conseillé de s'égarer. Alors, c'est pas surveillé, mais il est conseillé de s'égarer parce que bah, c'est plus facile pour tout le monde. On n'est pas si loin que ça du fest. On a peut-être 15 minutes de marche quand on marche bien. Ouais, encore, ouais. Même pas. Ouais, un petit quart d'heure. Ouais, j'ai dit un petit quart d'heure Ouais. pour être un peu large. Ça dépend de la vitesse des gens. De manière, ils ferment les grandes routes, donc les grands axes juste avant. Ouais. Donc on peut vraiment marcher tranquille, peinard. Et il est, comme chaque année, mais il y en a quand même qui le font, il est interdit de se garer normalement en dehors de ça et de faire du camping sauvage. Même sur les parkings, normalement, c'est pas vraiment toléré, mais ils laissent les gens le faire. Et donc, c'est l'autre moyen de venir. Après, vous garez n'importe comment, que ce soit au Leclerc ou en face de Leclerc, sur les bouts, bah, vous prenez le risque de perdre votre voiture. Ah ouais, par contre, là, c'est bien précisé, ils Ouais. seront intransigeants, la fourrière se posera pas de questions, ce Non. sera Oui, ça, manu militari dégagé. c'est ça. Donc, pour après ce qui est l'arrivée directement au Hellfest, donc jeudi 20 juin, 9h, en même l'ouverture et le camping, festival et le camping ouvre ses portes en même temps que la pause bracelet. Alors, ce que je trouve très bizarre, c'est que dans le petit livret sur le Hellfest, c'est techniquement marqué comme ça. Le festival et son camping ouvriront dès le jeudi 20 juin, 9h, en même temps que la pause bracelet. Les horaires d'ouverture vous seront communiqués ultérieurement. Oh, c'est de l'humour. Je pense. Donc, seules les zones du Hell City Square, le Hell City Street, du Metal Corner et du camping seront accessibles dès le jeudi. C'est déjà pas mal. Il est important de noter que ces quatre zones ne seront disponibles qu'aux festivaliers en possession d'un pass 3 jours ou d'un pass journée vendredi uniquement. D'accord? Donc tu peux pas arriver vendredi avec ton pass samedi et venir je vais faire la fête. Non. Non. Tu ne rentres pas. Il est obligatoire de poser par la pause des bracelets à l'entrée du festival avant de se rendre sur le camping car tous les accès seront soumis à un contrôle. Alors, la question qu'on se posait aussi avec Julien, c'est à ton avis, ça va se passer comment? Ils vont te poser en même temps le bracelet Hellfest et le bracelet Knotfest ou ça va être à deux endroits différents? Bah, je pense que tu vas proposer ton. Tu vas proposer. Tu vas montrer ton billet Hellfest et Knotfest en même temps. Et tu crois qu'ils auront les deux à chaque fois? Parce qu'imagine, si, parce qu'il y en a qui n'auront pas le billet Hellfest, donc ils vont faire la queue au milieu des gens qui ont le billet Hellfest, ou il y aura une entrée spéciale Knotfest. Je te dis ça parce que dans ce cas-là, imagine le mec qui fait la queue au Knotfest, après il doit se retaper la queue au Hellfest. Parce que c'est des sacs de bracelets qu'ils ont. Ouais. Bah, ça m'étonne qu'ils ont chacun les deux sacs de trucs, quoi. Eh bah écoute, Ou alors plutôt, il y a une entrée laissons-nous Knotfest. vivre Hein? et voyons sur place. Tout à fait. Voilà. J'ai pas d'autre réponse, je suis désolé. Donc, information complémentaire, le festival est gratuit pour les mineurs de moins de 12 ans, mais accompagné d'un adulte forcément. Il n'y a pas de réservation des places, il faut arriver sur place, se rendre à une des caisses et arriver avec son billet adulte et demander voilà, un Voilà. billet pour enfants. Pour les jeunes de moins de 17 ans, il y a des billets demi-tarif. C'est la même chose, on ne peut pas les réserver avant, pardon. Et les mineurs doivent être obligatoirement être accompagnés d'une personne majeure et en possession d'un billet, évidemment. Attention, petite filouterie, les mineurs âgés de plus de 17 ans et de moins de 18 ne peuvent pas bénéficier de l'offre demi-tarif. Tu vois la biaise ou pas? Non. Bah, moins de 17 ans, t'as l'offre demi-tarif. Genre, t'as 17 ans et un jour, T'es Béziers. t'es biaisé. Donc, si t'as pas eu ton passe, tu es dans le cul. Ah la vache! Tu vois? Ça, c'est pas cool. Bah, c'est C'est pas. bien de le préciser. Heureusement qu'on est là. Voilà, bah, en même temps, c'est marqué. Oui, non mais tout le monde ne va pas acheter le. Oui, non mais tout à fait. Et du coup, il n'y a pas de. Après, ils disent que même si ça le festival annonce complet pour les mineurs de moins de 17 ans, il y aura quand même des passes, il n'y aura pas de soucis, quoi. Oui. En tout cas. Donc ça, c'est pas tenu compte. Alors, sinon, petite interdiction et sensibilisation seront strictement interdits dans toutes les zones du festival. Camping, festival, LCT Square et Metal Corner, feu de camp, barbecue, camping et stationnement sauvage. Obstruction des accès de sécurité, animaux, feux d'artifice, produits illicites et stupéfiants. Donc surtout très important hein, pour ceux qui ont l'habitude de venir, cachez bien la drogue. Cachez bien. Vous faites pas toper. Ouais. Voilà, enfin c'est bien sûr des consignes qui sont obligées de dire Bah bien de sûr. là à ce que vous soyez emmerdés. Hein. Nous sachons bien que hein. Voilà. Donc, et il y a aussi beaucoup de. Ils ont essayé. J'ai aussi vu qu'il y allait y avoir beaucoup de contrôles de police sur les routes du retour. Donc sur le temps du week-end, je pense du jeudi soir, vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. Donc faites attention à pas rentrer trop chargé. Voilà. Voilà, donc le camping est gratuit, fait partie du truc. Prenez une tente, c'est toujours plus sympa, vous profiterez mieux. Vous prenez pas de risques pour ce genre de conneries, ça vaut pas la peine. Je voulais. Jack le grand frère. Non, mais c'est normal, moi je pense aux gens, j'ai pas envie d'avoir une mort sur la conscience. Comment tu ferais pour ça? Faudrait une conscience, Ouais, j'en déjà, achète ouais, une et d'une. après je vois. Donc, D'une à première étape, Paname. une fois que vous avez votre bracelet, que vous êtes rentré, que vous êtes comme un enfant, Voilà. Vous vous posez. il y a deux écoles. Vous buvez une bière. Non, bah oui, enfin, il y a deux écoles. La première, c'est vous arrivez, enfin non, la première chose, c'est sûr, vous arrivez sur le LCT Square. Vous pouvez directement partir vers le camping pour vous installer, ce que les trois quarts des gens font. Ou vous pouvez commencer à découvrir. Et qu'est-ce qu'il y a donc sur le LCT Square, mon cher Bob? Alors je crois qu'il y a du de l'enrobé. Ouais. Au Et ça, niveau. c'est vachement pratique. Ouais. C'est vrai. Parce que les cailloux, tout ça, c'est Ça fait mal aux le pieds. tout venant, le 0,40, ça fait un peu mal, toi. Et c'est Ouais. pas pratique, En surtout si t'as une plus. valise. Ou des. Des palettes Ouais, avec des des petites palettes, palettes, c'est vrai, c'est pas des évident, transpalettes, ça c'est ouais. chiant. Ouais. Ou de la petite paille. Ouais. Tu sais, des petits copeaux de paille. Oui, mais si on pouvait peut-être essayer de voir plus large. Ah oui, alors. Qu'est-ce que nous avons? Il y a beaucoup de choses sur le L City Square. À savoir que maintenant il y a le L City Square et le L City Street, donc qui est la rue qui est juste à côté en fait. Un peu la rue. Je sais pas si on sort par la L City Street ou pas. Ou... Attends, parce que la street, c'est celle C'est qui. C'est ça. la sortie en fait. Bah c'est celle-là. Je sais pas si on sort par là. Ouais, tu me poses une En colle. fait, non, on peut rentrer par. Enfin, on Parce rentre à que moi, je côté. vois le L City Square, c'est Bah c'est une devant. grande place, quoi. Bah oui, c'est Et ça. basta. Bah c'est le nouveau truc qui a été mis, le L City Street. Donc. Bah oui, parce que là, c'est l'entrée. Bah c'est une partie de l'entrée en fait. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, C'est c'est que. ça. Bah, c'est marqué en même temps ce qu'il y a dans le City Square, si tu veux t'aider. Alors, il y a un espace tatouage piercing. Non, alors ça, c'est. Bah Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est bah, marqué. Complètement. Oui, je suis T'as d'accord. des spasmes. Avec plus d'une vingtaine d'artistes. Ça aide. Et ça va encore être une émission de 3 heures. Oh, je le sens, ouais. De toute façon, je suis fatigué. Et quand je suis fatigué, c'est n'importe quoi. Tu veux que je prenne le relais Je suis peut-être? toujours fatigué de toute façon. Alors, vas-y, dis-nous. Alors, pour tous ceux qui veulent repartir avec un H, symbole vraiment d'appartenance au Hellfest, Ah, une. Hein. oui, un H, la lettre, pas une H. Enfin, après, on peut peut-être. Alors, je sais jamais vraiment trop comment ça marche, Y a un standstill. s'il faut prendre rendez-vous comme on veut ou si on peut arriver direct en disant je veux un H! Bon, là, tu te calmes, ok? Ouais, Je veux un H. Je veux un... Alors, en tout cas, c'est 50 balles de mémoire de ce que je. c'est tout est passé 50 balles. Autre chose qu'il y a, il y a l'Extreme Market qui est, il y a l'Extreme Market et l'autre, c'est quoi le nom? Bah, l'extrême market. Non, il y a deux noms Il y a deux normalement. noms? Il y a l'extrême et le market. D'accord. Bon bah il y a l'Extreme et le Market. Attends, parce que. Bah c'est, il y a deux endroits. Ouais, mais c'est l'extrême market. Et ben c'est ce que C'est j'ai parce que c'est dit. tellement grand qu'en fait, ils sont obligés de le séparer. Donc l'Extreme Market, vous pouvez retrouver moult choses comme CD, vinyle, t-shirt, goodies, Accessoires. Tout ce qui a rapport avec le métal ou avec le côté viking, tu veux revenir avec une corne, une hache. Une hache, avec le livre du prix Nimbus 2000. C'est ça, j'ai oublié. Nimbus 2000. J'ai oublié, je m'en excuse. Mais tout ce qui a un rapport, alors pas forcément qu'avec le Hellfest, hein, vraiment plus avec le métal dans son dans général. Il y a même des instruments de musique. Donc il y a ça. Il y a en général un coin Doc Martens. Il y a un coiffeur barbier. Il y a un coin musique. Donc est-ce que c'est Woodbrass? Ah, ce fut Woodbrass à une époque. Ah, alors est-ce que c'est encore Woodbrass? Ah, j'ai oublié. C'était peut-être pas Woodbrass l'année dernière. Je crois pas que c'est Woodbrass. En tout cas, on peut jouer de la musique sur des guitares. Ouais, des guitares. Ouais. Donc il y aura un point SNCF. Il y a forcément aussi le point info Hellfest pour tous ceux qui ont des questions ou qui ont perdu des objets parce qu'ils sont ensemble. Il y aura aussi un bar donc là qui est plus du côté du Hell City Street où il y aura des animations en collaboration avec Jack Daniel's, Sailor Jerry, Jaggermeister et Ricard. Et il y aura bien sûr il y aura un truc secret apparemment qui va être mis en place et j'ai oublié où j'ai lu ça mais c'est pas loin, ne vous inquiétez pas, en tout cas il y aura un truc secret en même temps c'est un secret donc bah voilà. Il y aura des animations des concours des trucs petits trucs oui parce que pour ceux qui se souviennent l'année dernière il y avait une marque de vêtements de sécurité qui s'était associée au Hellfest qui avait proposé une gamme de vêtements, donc il y avait des chaussures, je crois, un pantalon, des t-shirts. Et un kilt. Et un kilt, voilà. Et il y avait des animations où il fallait tenir le plus longtemps les bras ligotés dans un vêtement, et ça dans un jean, je crois. Bah, dans un pantalon à eux, je crois. Un des pantalons, et ça devait t'arracher les bras, et si tu tenais 6 minutes... Non, c'était 3 minutes pour gagner le kilt, et 1 minute pour gagner un t-shirt, je crois. Ah bon? Ouais. 1 minute et demie, peut-être, pour gagner un t-shirt, comme ça. Bah déjà, 3 minutes, tu peux pendu comme ça. Oui, je pense que tu souffres ta race. Ouais. En tout cas, voilà, il y aura plein d'animations. Il doit y avoir... est-ce qu'il y a d'autres choses au Hell City Square? Il y a pas le stand de rechargement sur le Hell City Square. Peut-être. Est-ce qu'ils vont réitérer la chapelle? Ah, la chapelle Jaggermeister, bah techniquement oui, ils ont encore un truc avec la chapelle de mariage. Il y avait la wedding chapel. Alors je sais pas si c'était la première fois où on pouvait se marier ou la deuxième fois? La deuxième, je crois. Donc, bah, il y a des chances que ça soit réitéré. Ouais. Il y aura aussi donc un point acouphones normalement, ouais. Où j'ai vu que tu pouvais avoir des protections auditives gratuites. Celles de base, tu peux en avoir des gratuites. Ouais. Et après, bien sûr, il y a des modèles au-dessus, avec bien sûr le modèle, comme tous les ans, griffé Hellfest, à 40 balles, je crois, avec un pins ou un badge, selon l'année en cours. Je crois que c'est à peu près tout. Bien sûr, il y a des bars. Il y a des artistes aussi. Oui. L'année dernière, il y avait un peintre, je crois, ou dessinateur qui était là. Oui, c'est vrai. Il y avait une dame qui fouettait les gens aussi. Oui, exact. Exposition de Bécane aussi. Ouais. Et il y a aussi depuis maintenant, bah, pour la troisième année, je crois, le Hell Stage. Oui, c'est la troisième année, oui. Hell Stage. C'est la troisième année parce que je l'ai vu la première année, je ne l'ai pas vu l'année dernière. C'est comme ça que je m'en souviens. D'accord. Parce que j'étais fatigué le jeudi. Oui, c'est vrai. Exactement. Donc Mais non, attends, qu'est-ce que tu racontes? Ça va être ta quatrième année. Non, mais il n'y avait pas la première année. Il n'y avait pas la première année? Quand il y avait World of Warcraft, il n'y avait pas le live stage? Non, non. Mais non. T'es sûr? Ah, mais grave, oui. C'est sûr. D'accord. Autant pour moi. Donc, cette année, sur les stages, on en a déjà un petit peu parlé, puis on avait bien sûr dit qu'on viendrait vers vous dès qu'on écouterait des trucs, et comme bien sûr on ne l'a pas fait, on ne va pas le faire. Donc, on va juste vous rappeler vite fait le programme. Donc, je mens peut-être? Ah bah non, pour toi oui, mais moi j'ai écouté les trucs. Ah bah écoute, quand tu auras un groupe qui te parle, tu feras une petite... Ça va, tu te calmes. Non, mais j'essaye juste de mettre en avant des choses, de dire... C'est vrai, c'est pas faux. Je voulais pas te mettre mal à l'aise quand toi t'as des difficultés. Pas du tout, je ne suis pas mal à l'aise. Apparemment, cette fois, t'as tout écouté, t'as tout vu, t'as tout fait. Et écoute, c'est génial. Ah, qu'est-ce qu'il faut pour moi. Donc, pardon. Dès le jeudi 20 juin à 10h à midi, il y a DJ Kurgan, dont ce n'est pas la première venue, qui va nous faire de la musique. À midi 20, Fat Dead Shit, jusqu'à 13h, va nous ravir. Est-ce que tu as écouté? C'est du hardcore, j'ai écouté. Très bien, ça t'a plu? Ouais, j'aime bien. De 13h20 à 14h, il y aura Terror Shark. Donc, tous ceux qui ont peur des requins, c'est pas la peine de venir. As-tu écouté? J'ai écouté un peu. C'est bien? C'est pas mal. Enfin, pour ma part, en tout cas. De 14h20 à 15h, ça va être 8 Sign. Est-ce que tu as écouté? Je crois que oui. De 15h20 à 16h, il y a Mantra. Étonnamment, moi, le nom me dit quelque chose comme si c'était déjà passé à Tu Wallfest. crois? Mais. 16h20 à 17h, Time for Energy. Qui est sûrement un cours de danse. Ouais, ou de... Ouais, un truc un peu boosté, quoi, pour se dire, oh, ça va, quoi. 17h20 à 18h, As a New Revolt. Non, t'as oublié Grayswalker. Non, non, c'est après, en fait, c'est dans l'autre sens qu'il faut lire. Mais c'est pas grave. Ah, pardon. Ah, cette bonne blague. 18h20, 19h, Grey Soccer. Est-ce que moi, depuis le début, j'ai dit j'ai que regarde, j'ai putain, Kawaii Bukka, que je te laisse, je comprends pas ce qu'il raconte, putain, c'est quoi ce délire, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, moi je Et il y a un moment travaille. où on se rejoint, en fait, forcément, parce que Forcément, du coup, voilà. Ouais, puis. c'est ça que c'est vachement bien. Ouais. Enfin, c'est bien que t'aies attendu pour ouvrir ta gueule. 19h20 à 20h20, le concours de air guitare où on aura On va retrouver quelqu'un, Peter. Peter, qui va venir. Alors, Peter, pas du tout le Non, non, guitariste de pas la non, Temptation, hein. non, Un autre Peter. non. Ouais. Ne pas confondre. Hein. Non, non, c'est un autre Peter. Voilà, qu'on connaît, qui a gagné le warm-up de Caen. 21h à 23h, le Rock'n'Roll of Wrestling Bash. Alors, ça, est-ce qu'on a déjà vu ou quelque chose de similaire? Moi, je dirais qu'on a peut-être déjà vu ça. Hein. Des catcheurs qui font de la musique en même temps. Ouais. Moi, ça me parle. Ah ouais, c'est possible. Et à 23h30 jusqu'à minuit 30, Kawaii Bukake, pardon, qui est un groupe qu'on a déjà parlé, un peu de jeune punk avec des youtubeurs dedans, tout ci, tout ça. D'accord. On passe au vendredi 21 juin et qui, pour le coup, attaque des 17h avec Insolvency. Ça te parle? Là-bas, là, du coup, c'est bon, j'ai compris qu'il faut prendre. Oui, mais est-ce que le groupe te parle? Insolvency, non, ça, bah non, il me parle pas. Jusqu'à 17h45, 18h05, Kesk Tak, jusqu'à 18h50, Cobaye Corp, 19h10 à 20h, et Mad Pussy Gang, de 20h15 à 20h30, qui est un show plutôt agréable à regarder, je pense. Pourquoi? Pour le MAD? Non, pour les pussies. Ah ouais, on t'en reconnaît bien là. Samedi 22 juin, Syndrome attaque des 17h jusqu'à 17h45, Nothing But Echoes, 18h05 à 18h50. Le nom me dit quelque chose, mais je ne vois pas. C'est un titre de Foo Fighters. Non, je Peut-être. sais pas juste. Hypnotic Drive, 19h10 à 20h. Et Mad Pussy Gang, de 20h15 à 20h30. Ah, Un ça, show c'est le rattrapage pour qui est ceux qui. sympa de regarder. Ouais, pour les gangs. Yes. Ce que je préfère, les gangs. Ouais, les bangs aussi. Non! Dimanche 23 juin, Death Decline, 17h à 17h45. Red Dawn, 18h05, 18h50. À ne pas confondre avec Red Fang, parce que ça n'a rien à voir. Ouais, c'est bah, Dirty tu changes Fondue. de lettre à Attends, Dirty Fondue, par contre, ça me dit quelque chose. moi 19h10, aussi. 20h. Et Mad Pussy Gang, de 20h15 à 20h30. Un show qu'il ne faut pas rater pour le Mad. Ça, j'ai fait les trois. Voilà. Mad Pussy et Gang. Voilà, donc ça c'est le programme du Hellstage. Comme on l'a déjà dit, ça fait beaucoup, alors que le festival est en cours le vendredi, samedi et dimanche, mais dès le jeudi, c'est déjà pas mal chargé. Ouais. Donc, voilà à peu près tout ce qu'il y a à dire. Donc le Hell City Square et le Hell City Street, c'est l'entrée, c'est là où on vient, où on départ. On passe par là pour aller à la cathédrale tous les jours. On peut se poser un peu entre deux. C'est bien sûr, on a complètement oublié de commencer par là, mais c'est totalement un endroit qui est inspiré du quartier de Camden Street à Londres. Je le sais parce que j'y étais il y a un mois. Ah, il aime bien parler de lui. Et on peut pas le dire, ça. Ah Je peux pas dire, ah, oh, écoute, j'ai été là-bas, j'ai vu effectivement. Tu vois, je peux. Je... Non? non. Et ben, pourtant, c'est le cas. J'y étais et je l'ai vu. Allez. Voilà, ah bah tiens, c'est rigolo parce que c'est marqué en fait tous les magasins. Bah oui, c'est marqué, Donc c'est pour Doc ça. Martis, Affliction, Rakagogo, Reef, Crédit Mutuel, ESP, Sea Shepherd et l'espace Greeting from Hell qui propose des produits collector Hellfest, co-brandés Vance, Carhartt, Nixon. C'est vrai que ça avait commencé l'année dernière, cette association avec des vêtements Des marques, ouais. un peu stylés, mais un peu chers aussi. Un peu cher, beaucoup, ouais. tout cas, c'est marrant de voir qu'il y a Sea Shepherd. L'association de défense des animaux. Eh ben ouais. Bah j'irai Il leur. tweet souvent avec. Ah ouais? Ouais. Non, bah j'irai leur parler de tir. Bim! Tu vas vraiment avoir que ça qu'à foutre? Non. Ouais, je me disais aussi. Parce Mais que je te rappelle que il y a quand même Mad Pussy Gang. bon. Donc tu vas trouver quand le temps de parler de tir? C'est vrai ce que tu dis. Bah ouais. Puis il y a des concerts à aller voir en plus. En plus. Donc voilà pour cette partie. LCT Square. On attaquera la semaine prochaine le Metal Corner avec sa nouvelle configuration, ainsi qu'on parlera rapidement du Hellfest Cult et de Camping dans sa globalité. C'est ça. Avec tout ce que ça comporte. Ça implique, hein, le Takumba. Oui, exactement. Combat de Kali. Et on verra pour le reste les prochaines fois. Je te propose de passer rapidement à la partie Knotfest. Bah ouais, mais alors rapidement. Rapidement, hein. Rapidement. Parce que. Pas que ça a foutre non plus. Attention. Très très bonne intro. Merci. 80% des places vendues pour la première date du Knotfest en France, en partenariat avec le Hellfest. Toujours 10 groupes pour ce mini-festival. 5 groupes américains, 5 groupes européens. Voilà, c'est tout. Ah. Et donc, on va attaquer Slipknot, bah, quand tu veux, en fait, tu me diras. Ouais, bah, la semaine dernière. T'as commencé à écouter un peu ? Ouais, j'ai écouté le premier album. C'est bien, parce que tu le connaissais déjà. Bah, après, ça dépend. Ah bon ? Ouais. D'accord. Bah tu me dis si tu veux la semaine prochaine ou dans 4 jours. Ouais, c'est bien ça. C'est bien quoi ? Ouais, c'est bien. Ok. C'est tellement agréable de travailler avec toi. Non mais parce que c'est... En fait, si par exemple moi je prépare un truc mais que toi t'as pas écouté. Ouais, il y a pas trop de... Tu vois ? Il y a pas... C'est juste pour... Ça changera pas en fait. C'est pour annoncer. Est-ce qu'on dit aux gens, ah en fait la semaine prochaine on parle de Slipknot, ou on attend encore parce qu'on n'est pas du tout... On peut attendre. On peut attendre. Attendons. Bah ouais. Très bien, faisons ça. Ça laisse le temps. Alors, on attaque les chroniques. Bah écoute. Genre tous. Qui commence-t-il ? Qui c'est-il qui a commencé ? Oh allez, vas-y, commence. J'ai commencé l'année dernière. Ok. Bah je vais aller... Oh, d'accord, je commence par Kevin. Très bien. Alors, j'ai commencé par Kevin. Ok. Kev Hinn. Qui passe le Sadi oh en Valais. Qu'est-ce qui quoi ? On arrête tout. Ah oh. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? On a oublié une news. Oh, elle est écrite là. Bah, je sais pas, c'est toi qui l'as écrite ? Bah oui. Bon bah on arrête tout. On arrête tout, désolé. On recommence tout. On commence. Bon putain. Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 20 de cette saison 3 de Road to Hellfest. Voici une petite mise à jour des news. Mise à jour des news. C'est une nouvelle rubrique. C'est une nouvelle rubrique. Oh, c'est l'épisode des nouvelles rubriques. On fait qu'est-ce qu'on veut d'abord. De toute façon. Alors, il se trouve qu'une news est tombée du Mutukultor. Ah mais oui. Étant. Putain. Mais grave. En plus, j'y ai pensé en début d'épisode. Je m'ai dit, on va en parler. Déroulera du 15 au 18 août à Saint-Nolf. Voilà. Et donc, les derniers groupes ont été annoncés. Alors, est-ce que tu t'en souviens de mémoire ? On va faire un jeu. Oh la vache. Alors, vas-y. Alors, moi j'ai vu Turbo Negro. Yep. J'ai vu. Ah putain. Pas Eluvetti, il y est déjà. J'ai vu Corpigliani. Corpigliani, exact. Puis après, je sais plus. Il y a. Ah si, mais. Ouais, je sais plus. Bon, bah très bien. Donc, il y a aussi également Trust, Anathema, Solstafir. Mil Mod, exact. The Casualties. Incantation, New Scientist, Pensée Nocturne, ah ouais. Et Fange. Fange, ouais, exact. Qu'on a eu l'année dernière, je crois. Ouais. Ou l'année d'avant. Ouais, l'année dernière. Ouais. Et donc, maintenant que cette affiche est complète, qu'en est-il de ton avis ? Bah, je me tâte, hein, vraiment. C'est un truc de foufou, quand même. Ah, bah là, je me doute que là. Ouais. Ah, ça donne vraiment envie, quoi. Je suis d'accord. Je comprends. Ouais. Eh bien, voilà. C'était la fin de la vidéo. Ouais, non, ça donne vraiment envie. Donc, je vais passer au groupe Kev Hinn. Rien à voir avec Kevin, c'est Kev Hinn. Ouais. Qui donc... Comme Kev. Voilà. Samedi, Valais, 17h40, 18h30. Oui. Face à Deadland Ritual, à cheval sur Eagle of Death Metal. Et ça, ça va être mignon à voir. Moonspell. Que j'ai déjà chroniqué. Exact. Et que j'avais dit, oh, j'aime pas trop la voix, pourtant ils racontent des trucs intéressants. Ouais. Ils sont de l'espagnolage. Très bien, donc Kevin est un groupe qui se fout des étiquettes et n'hésite pas à faire des virages à 180 degrés de style. Bah, ils font ce qu'ils veulent. Hein, après Mais commençons par le début. Kevin est un groupe américain de metalcore, post-hardcore, formé en 95 à Methuen, dans le Massachusetts. Jamais entendu parler. Il m'achète des chaussettes. Le groupe s'est construit autour de Jeff Freshett au vocal et Stephen Brodsky à la guitare et au chant. Après plusieurs changements, Jay s'est barré, laissant Stephen au chant, alors que Stephen, lui, est parti pendant un an tenir la basse chez les mecs de Converge, alors qu'il n'avait que 18 ans. Ah bah dis donc. Il a été remplacé par Nate Newton dans Converge par la suite. Le line-up stabilisé avec Adam McGrath à la seconde guitare, J.R. Connors à la batterie et Caleb Scofield à la basse publie son premier album en 98, Until You Heart Stop. Et c'est donc un album important pour la scène metalcore. Je dirais presque plus hardcore que metalcore, mais on peut discuter. Mais pour le groupe, c'est le début des expérimentations vers d'autres genres. Et avant leur second album, ils publient un EP de 5 chansons qui indique clairement une direction vers du space rock. Oh ouais. Mm-hmm. Et donc en 2000 sort Jupiter, qui est décrit comme du emo metal Radiohead. Emo metal Radiohead. Oh punaise. Donc je te rappelle que le premier album metalcore, deuxième album Radiohead. S'ensuit un autre EP de 6 titres qui développe encore plus une approche mélodique avant le troisième album qui sort en 2003, Antenna, qui obtient un succès supérieur aux deux premiers albums à cause du titre Onshore, qui est clairement un hit mainstream en puissance. C'est le titre que j'avais posté sur la page et t'as vraiment l'impression que c'est pas le même groupe, quoi. C'est vraiment limite un single qui passe en radio. D'accord. Voilà. Et c'est à partir de là que le groupe a commencé à avoir un joli succès et part en tournée européenne avec les Foo Fighters et Muse. Ok. Donc ça on se dit, ah c'est le nouveau groupe populaire à la mode. Ouais. En 2005, le 13 septembre, si tu tiens à ce que je sois précis, sortie du quatrième album, pas du tout, Perfect Pitch Black, et marque aussi le départ du batteur Connors, remplacé par le batteur de Converge, Ben Coller. Parce que bah, du coup ils sont un peu potes avec Converge. Et à un moment, c'est la rien. News pop que Adam McGrath soit tempérament marqué comme ex-guitariste de Cavin et gratteux de son nouveau groupe Cloud. Comme ça, à un moment donné, il dit, hey! Bah lui, c'est l'ex de Cavin, il est plus dedans. Alors que... Si. Novembre 2006, le groupe annonce officiellement être en hiatus, qui n'a aucun lien avec une plante qui se trouve dans le désert. Cactus ? Oui. Ah oui, d'accord. 2009, le groupe annonce que c'est la fin des 3 ans d'hiatus et publie un EP de 4 titres, d'abord en vinyle, puis en CD. Photographe aussi. Pardon ? Le photographe aussi. En 2010, avec en bonus le show de la réunification. Donc c'est acheté le CD des 4 titres, t'avais leur concert de réunification. Ah, c'est cool! C'est sympa. Brodsky, guitariste-chanteur, annonce lors d'une interview que le groupe sera beaucoup plus sélectif au sujet de leur tournée et les futures sorties du groupe en se focalisant davantage sur le côté dématérialisé. Il devient le mec qui dit ouais, je postais des trucs sur YouTube, postais des trucs des lives, tout ça c'est l'avenir. Mai 2011, le groupe sort White Silence et rapidement après la tournée pour promouvoir le groupe. Cavin entre dans un hiatus, mais cette fois moins déclaré que la première fois, car tous les membres du groupe sont occupés dans leurs projets respectifs. Oui, parce qu'en fait, par exemple, le chanteur, eh ben, il a 1 milliard de groupes parallèles. Plein, plein, plein, dont une carrière solo aussi, un truc de fou. 2014, le groupe joue en live pour la première fois depuis 3 ans. Fin 2017, début 2018, le groupe reconnaît après 2 sessions de jam qu'il bosse sur du nouveau matériel. Pardon. Mars 2018, un accident de voiture va stopper la carrière de Scofield, le bassiste. Après une série de shows dont les bénéfices vont à la famille, il est remplacé par Niet Newton de Converge. Celui-là même que l'autre avait remplacé plus tôt. Et donc en fait, tous les mecs de Converge vont converger vers... Quasi. Et le 2 janvier 2019, soit cette année, le groupe annonce qu'il prévoit de sortir un nouvel album studio. Le 8 avril, All Illusion, premier extrait de ce futur nouvel album intitulé Final Transmission, annoncé pour le 7 juin 2019 et qui a déjà sa propre page Wikipédia, où un tas d'infos est déjà disponible, comme le nombre de tracks, ainsi que leur nom et la durée de chaque chanson, et même par exemple pourquoi le choix de ce morceau comme premier extrait, tout simplement parce qu'ils ont incorporé au titre des morceaux de texte qu'ils ont trouvés dans le journal de Scofield après sa mort. On peut aussi y apprendre que l'album sera composé de titres enregistrés comme démos lors des 2 séances de jam avant la mort du bassiste. Donc, Cavin, c'est des copains de Converge, des side projets, en veux-tu, en voilà. 5, presque 6 albums, un genre redéfini à chaque fois et un groupe hyper intéressant dans ce qu'il propose. Et c'est exactement ça. Quand tu écoutes Cavin, chaque album, tu vas déjà te demander vers quelle direction ils vont aller cette fois, parce qu'il n'y a rien d'écrit. Leur premier album étant vraiment hardcore metalcore, t'es sur un truc hyper énergique, avec un chanteur qui a une vraie bonne voix hardcore. Et dès qu'il parie vers un truc un peu plus space rock et tout ça, il a une voix claire, qui est superbe aussi, mais qui est très très opposée à la première voix. C'est-à-dire que quand tu connais pas, parce qu'après il y a des albums où il a alterné les deux, et ben tu as vraiment l'impression qu'il y a 2 chanteurs. Tellement ils chantent différemment les deux. Cool. Et du coup c'est hyper intéressant parce que le groupe va vraiment un peu taper dans, tout en restant dans du post-hardcore, post-rock, un peu post-metal, plein d'influences différentes et plein de trucs. Il n'y a jamais un album qui est totalement unique dans ce qu'il propose. Et ça reste super intéressant. Et j'ai complètement adhéré à tout ça. Même si c'est tellement un peu des fois, comment dire, pas planant, mais un mélange de plein de choses, des fois tu peux un peu décrocher. Mais en dehors de ça, c'est vraiment hyper intéressant et c'est un groupe qui m'a donné envie d'approfondir un peu plus parce que là j'ai écouté, on va dire au sens large, j'ai un peu tout écouté. Maintenant, je voudrais un peu écouter en se focalisant plus sur ce que j'écoute. Tu vois, vraiment me dire, ok, ça c'est vraiment le premier album, après ça c'est le deuxième album, et de vraiment voir l'évolution, de pouvoir prendre le temps d'écouter les EP qu'ont annoncé les trucs, parce que en plus ils sont assez productifs. Bon, ils ont fait des hiatus, donc ils sont arrêtés, mais quand tu sais quand même qu'ils ont vraiment, genre le chanteur, il a au moins deux groupes parallèles avec des membres de Converge, donc pas les mêmes, il a une carrière solo et au moins 5-6 groupes au moins en parallèle, dont des groupes de hardcore et des groupes d'autres styles, ça me donne envie vraiment d'approfondir tout ce qu'il peut faire lui. Parce que, en tant que chanteur, voilà, c'est bien. Musicalement, c'est très intéressant, ça va très bien aller à la vallée, parce que il y a un côté vraiment ambiance qui est posé. Et de temps en temps, c'est vrai qu'à la vallée, tu peux avoir des groupes sans être totalement hardcore, mais un peu post-hardcore, un peu shoegaze, qui passent très très bien. Et je place un peu ce groupe, des fois, dans ce côté-là. Et donc, je pense que je pourrais acheter des CD. J'aurais peut-être plus de mal à trouver de moments quand t'écouter, parce que c'est quand même assez. Ça écoute pas forcément en voiture, tu vois. Mais j'aime assez pour me dire que je pourrais acheter des CD. Et face à Deadland Ritual, Eagle of Death Metal et Moonspell, clairement, c'est Cavine que j'irai voir. Clairement. J'ai bien aimé. Ok, Voilà. on avait compris. Excusez-moi pour cette longueur. Un petit peu, voilà. Non, mais il n'y a pas de mal. Je vous en prie, à vous-même, Ça jeune va homme. être raccord avec moi. Alors, moi j'ai Trépalium. Passe le samedi sous Altar de 12h50 à 13h30 face à Whitechapel et Willhaven. Cool. Alors, Trépalium. Dans un futur proche, 80% de la population est sans emploi. C'est triste, hein? Une jeune femme, Isia, tente de survivre. Elle est née dans la zone du mauvais côté du mur, un mur qui a été dressé pour séparer les zonards des 20% d'actifs de la ville. D'accord. Voilà. Donc, en fait, Trépalium, c'est une série aussi. D'où le Trépalium. Il est rigolo. Trépalium. Et Cocorico! Cocorico! Cocorico! Oh putain, j'ai fait saturer le truc. Donc, Trépalium, qui est un groupe français, Du comme coup. on a pu le Ah ouais, donc ça, constater. Hein? c'est un petit peu une playlist française cette semaine. Oui, apparemment. Hein? Donc, qui nous joue du groove metal, du death metal, metal prog, Oh, au en calme. activité. Bah, ça fait bizarre, autant dire. Ouais, bah oui, le tout, oui, c'est. Pourquoi pas? Exactement. Voilà. Donc en activité depuis 2001. Exact. Voilà. Ça a l'air. Si, si, bah si. Non, mais Non, non, mais si, c'est bien. Très bien. Je te fais confiance, toi. Alors, donc, on a bien compris, Trépalium est un groupe de death metal français originaire de Boismé, ou Boismé, dans les Deux-Sèvres, non loin de chez nous. Les membres de la future formation se rencontrent en juin 2000 et officialisent le groupe en novembre 2001. D'accord. Plus d'un an après. Février 2004 voit l'enregistrement du premier album studio Truth the Absurd au studio des Milan. Un deuxième album, Alchemy Clockwork of Disorder, sortira en 2006. Il change de label pour Season of Mist, Ah oui. bien connu, en janvier 2009, auquel il publie l'album 13. En février, la même année, au début 2012, le groupe enregistre son quatrième album, qui est mixé par Thibaut Chaumont au Deviant Lab. Pour ceux qui connaissent, ça va leur parler. Grave. Le 8 juin 2012, il publie donc HNP chez Clonosphère, distribution Clonosphère Season of Mist. D'accord. Voilà. Donc ils ont trois albums et un EP qui est sorti en 2018, de D'accord. mémoire. Voilà, donc que dire sur Trépalium? J'ai C'est une bonne commencé. série? Ouais, aucune idée. Franchement, aucune idée. Quand tu tapes Trépalium et tu tombes là-dessus, bon, bah ok, d'accord. Trépalium groupe, métal. Ok. Donc voilà. Donc ils ont tourné avec pas mal de gros groupes, on va dire. Ils ont fait un Fury Fest 2015, 4, je crois. Ils ont fait deux Hellfest déjà. Ah, quand même. Ouais. Pas du tout, je savais pas du tout que. Et tu vois, c'est une bonne découverte. Ils ont tourné avec Clone, Ah oui, qui Claude. passe Ouais. cette année aussi. Connais bien Claude maintenant. Voilà. C'est sympa, avec Gojira aussi. Donc voilà. C'est pas des petits rigolards. Donc moi j'ai découvert bah, là, hein, avec le dernier album, qui est, enfin le EP, qui est sorti en 2018. Et très très belle surprise de ma part. D'accord. Franchement, ouais, Ah. c'est, quand ils disent groove metal, Ça les groove. premières notes du EP là, qui est sorti en 2018, c'est carrément ça, quoi. Ça groove. Et ça pulse sa maman, quoi. D'accord. Ça des pulpes les nichons, comme j'aime à le dire. Et ouais, non, franchement, c'est très très bon. C'est du très bon son. Ça me fait un peu penser à, dans l'esprit de cette découverte, ça me fait penser à Beethoven. Tu D'accord. vois. Je me suis un peu enflammé, mais d'accord, ouais, carrément. Voilà. Ouais, dans l'esprit, ouais. Ah Donc, bah, c'est bon, tu m'as pour ma eu, hein. part. Ah, c'est Mais bon. là, ouais, franchement, écoute le EP qu'ils ont fait. Ouais. Franchement, c'est Ah, vraiment d'accord. cool. Vraiment très cool. Et ils ont un putain de bon son, quoi. Ouais. Donc, groupe à aller voir. Donc, tu disais, ils passaient où? Il passe à 12h50, pardon, et face à Whitechapel et Willhaven. Willhaven qui passe en Valais. Peut-être, oui. C'est Ouais. toi qui l'as fait, Willhaven. Ouais, qui passe en Valais. J'ai regardé parce que justement, moi j'hésitais entre les deux. Ouais. Et je crois que je ferai les deux parce qu'ils sont en Temple, c'est ça? Et du coup, Altar. Altar, ah bah ça m'arrange. Ah, mais Willhaven, c'est le grand, non? C'est lui qui est grand, non? Je Will confonds. Haven, Oui. qui est grand, comment ça? Il y avait une de tes chroniques, c'était un mec qui était grand et balèze et. Non, ça c'est le grand balèze qui joue tout seul? Ouais. Non, ça c'est Wolfheart. Ah oui, Wolfheart. Ouais. Ah, Willhaven, c'est quoi? On l'a eu? Willhaven, ouais, on l'a eu. Je l'ai fait il y a deux ou trois émissions. Je m'en souviens plus. Et bah, j'aime bien aussi. Et du coup, je voulais aller les voir. Ne connaissant pas Tripalium. Ah merde, et là du coup ça te met dans la merde. Bah, pas vraiment parce que c'est à côté. Je l'ai fait avec Psych Up et Mille Mods l'année dernière. Bon, bah, j'ai vu les deux. Moi. Parce que Parcimony avait envie de pisser. Donc l'avantage, c'est que. On a fait un petit tour par la vallée, on a pu voir Mille Mods, et puis on est revenu voir Psycup. Donc du coup, D'accord. voilà. Et je pense que je ferai la même parce que j'adore les deux, et du coup. Et est-ce que tu pourrais acheter un CD alors? Alors oui, au moins le dernier EP, Ouais. puis même, bah, comme je te dis, la bonne découverte comme Beethoven, c'est pareil à acheter. Puis, Et ouais, non, découvrir. j'aime bien, Ouais, d'accord. ça me botte bien. Mettre ça dans Ok. la bagnole pour partir le boulot le matin, Bah du coup, c'est cool. j'essaierai d'aller écouter et Willhaven parce que. Putain, mais Willhaven. Oh, attends, faut que je vérifie. Parce que visuellement, après, je m'arrive à me rappeler des choses, mais là, je. Non, Willhaven, c'est bah, des mecs qui payent pas de mine spécialement, ils ont pas de Ouais, mais est-ce look. que c'est pour ces persos? Faut que ça me. Tu vois, faut que Ils ont ça. l'air plutôt simples. Non, mais c'est pour me. Pour. Oh, putain. Pour me rappeler. Ah. Eh bien, pas du tout. Voilà. Voilà. Alors, très bien. Bon, je vais passer à ma deuxième chronique. Bah, sauf si tu avais des choses à rajouter. Non, non, c'est très bien, Tripalium, très très bonne découverte. Ok. Merci, Road to Très Hellfest. bon son. Donc, je vais passer à Batmobile. Cool. Samedi, Warzone, 13-35, 14-15, face à Dool et Richie Kotzen. Donc, pour info, j'avais bien aimé Dool. Et Richie Kotzen, on avait dit que c'était trop. Ouais. Donc, ouais, pas mal, mais un Trop, peu. ouais. Bah, Ouais. c'est le guitar héros Voilà. Et de puis, cette année. bon, bah, comme c'est en main stage, c'est presque auto-éliminé d'avance. Voilà. Donc, bon. Il s'est Alors, tiré une balle dans le pied. Batmobile est un groupe de psychobilly néerlandais originaire de Rotterdam et Breda. Formé en 83, ses membres sont originaires de Rotterdam et Breda. Les œuvres font partie. Leur. Pardon. Ça commence bien. Leurs œuvres font partie des meilleures ventes dans le psychobilly et ils sont le seul groupe actif de psychobilly à avoir conservé leur formation initiale. C'est la classe. Jamais de changement de nom. On rappelle que ça a commencé en 83. Mais oui, c'est ça. Le groupe est formé comme passe-temps. Voilà, les mecs s'ennuyaient. Ouais, on fait un groupe. Bah ouais, faisons un groupe. Le groupe continue depuis son lancement avec une formation comprenant Jereon Ahamers au chant et à la guitare, Eric Ahamers à la basse et Johnny Zuldoff à la batterie. Le groupe jouait uniquement des reprises de groupes ou artistes de rockabilly et rock'n'roll, comme Elvis Presley, Gene Vincent, Chuck Berry et Johnny Burnett. Bon, après, ils en ont fait d'autres, hein, comme Motorhead, tout ça. Le groupe est nommé d'après la Batmobile. Ouais, bah ouais. Étonnant. Le nom est suggéré par Zuldoff aux autres membres. Pour, en fait, ils voulaient juste donner un nom pour les répétitions. Bon, bah, ils l'ont gardé. Voilà. Fait amusant que j'ai lu dans Wikipédia, je te le lis tel quel, parce que ça m'a fait rire. Le groupe joue dans divers clubs et bars, et une fois dans un bar rural dans lequel le groupe sera mal accueilli par les fermiers du coin. Ok, d'accord. La phrase était... C'est assez strange, ouais, effectivement. Alors, du coup, leur reprise, ils jouent plutôt dans un style punk rock très rapide pour attirer l'intérêt du public. Et Batmobile sort leur premier album EP, parce que c'est pas très long, éponyme, en 85. Leur premier grand concert s'effectue au club, avec un K, Foot de Londres, en 86. Ils sont le seul groupe non britannique à jouer dans ce club. Après, on est sur une sortie d'album ou EP en 87, 2 en 88, 1 en 89, 90, 91, 92, 93, puis 98. Après 17 ans de tournée intensive, le groupe fait une pause, prend un ou deux Kit Kat, puis remet le couvert en 2000 pour un dernier concert à New York. En 2003, le groupe retourne sur scène et entame une tournée internationale toujours en cours, selon Wikipédia, enfin, je pense que quand même, c'est pas le cas. En 2008, ce sont les 25 ans de carrière et c'est la sortie du live du Club Foot de 86. D'accord, cool. Et également un split avec Peter Pan Speedrock. Oh putain, génial. Je connais pas. Ah oui, si, bah si, en plus je suis con, je l'ai écouté. Et donc un dernier album en 2017. Pour résumer, Batmobile n'est pas qu'un véhicule de super-héros, c'est aussi un groupe aux 12-13 albums, EP et live, du psychobilly à fond et une contrebasse qui fera bouger la Warzone pendant la bière de digestion. Alors que dire, j'ai trouvé le groupe très sympa, c'est du très bon psychobilly. C'est très efficace, ça marche très bien. Je trouve que vraiment, c'est le truc que tu mets tout le temps, ça passe, ça met la bonne humeur. Mais ça m'a pas plus. Plus. Comment dire. Hypé que ça. Ça m'a pas plus. Waouh, trop génial. J'aime bien. C'est pas forcément mon style. Voilà. Donc je peux pas dire que c'est pas bien, parce que dans le style, je trouve que c'est très très bien. Par rapport à d'autres trucs qu'on a pu écouter depuis le début de cette saison 3, j'ai vraiment bien aimé celui-là. Mais pas au point de me dire, ah, j'adore, je vais en acheter des CD parce que machin. Alors, le problème, c'est que, par contre, il joue face à Dool, et que Dool, je pense que j'ai préféré musicalement Dool, et donc que j'irai peut-être voir plus Dool, ou que je viendrai quand même peut-être... Parce que j'ai quand même historiquement envie de voir sur scène ce que ça peut donner, voir si c'est encore de la patate, parce que quand t'écoutes, tu sens quand même qu'il y a un petit côté ambiance qui... Voilà, c'est du psychobilly, quoi. C'est ta... Bah oui. Donc, voilà, ça donne envie de bouger. Ouais. Mais j'ai pas grand-chose de... J'ai rien de négatif à dire sur le groupe, et pas grand-chose de positif, parce que c'est bien, c'est efficace, ça fait totalement le taf. Je pense que tu peux complètement en mettre n'importe quand, ça passe, jamais gênant. Après, si je devrais aller un tout petit peu plus loin, je dirais qu'entre le premier album et le dernier, mis à part une amélioration de la prod, t'es toujours sur la même, un peu la même chose, mais bien, efficace. Tu vois, pas la même chose, gnangnang et tout ça, mais, y a, voilà, mais ça se veut pas forcément non plus révolutionner le truc à chaque fois. Mais c'est un passe-temps ou... Ah non, mais... non, mais... Voilà, donc c'est très bien, c'est un très bon groupe de psychobilly. Je ne suis pas un grand fan de psychobilly, voilà. Donc, je pense que toi, c'est beaucoup plus ta cam, ouais. Et que donc, bah, tu seras sûrement en train d'aller les voir. Ah ouais. Ouais. Donc voilà. Toi, ouais, tu pourrais acheter des CD de Batmobile. Batmobile, je ne sais pas, mais j'ai 3 albums de Peter Pan Speedrock. Ah oui, quand même. Ouais. Qui est un groupe néerlandais aussi. Et... De psychobilly. Non, de punk. Ils ont fait du psycho au début et ils sont plus un peu orientés sur le punk hardcore. D'accord. Sur la fin. Je te passerai à la rigueur We Want Blood. Ouais, non, mais je veux bien découvrir ce que je connais pas. Mais après, voilà, c'est vraiment bien ce qu'ils font. Ouais. C'est juste, c'est pas dans mon. Bah, dans... Ouais, bah, je te passerai. Tu vois, okay. À Peter Pan, ça va te plaire. Mais oui, je l'ai écouté. En plus, je suis con parce que j'ai écouté Peter Pan il y a pas longtemps. Et je suis tombé justement sur le split avec Batmobile. Ah, Batmobile, c'est rigolo. C'était bien. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et ben voilà à peu près tout ce que j'ai à dire. Ok. Merci, t'es à toi. Mais je pourrais quand même passer pour jeter un œil, mais je n'irai pas en priorité. Ok. Voilà. Voilà. À vous-même, jeune homme. Merci, c'est gentil. Alors, donc, pour ma part, on va continuer avec les Wampas. Qui jouent le samedi, mais dis donc, mais t'as que des groupes du samedi. En Warzone, de 20h45 à 21h45, face à Mirkur Folkezang. Et Within Temptation à cheval sur Def Leppard. Hmm. Ok. Voilà ce que j'avais envie. Eh bien, qui dit que des groupes du samedi, dit que des groupes Cocorico. Voilà, voilà. Donc, les Wampas, c'est un groupe français. Hein, c'est possible. De rock alternatif et punk rock français, originaire de la région parisienne, formé en 1983. Oh la vache! Le groupe repose essentiellement sur le chanteur Didier Wampas, de son vrai nom Didier Chapdelaine. Il était en même temps électricien à la RATP avant de prendre sa retraite. Et donne-moi une date, quand il a pris sa retraite? 2016. Presque. 2015. Presque. 2014. 2012. J'allais y arriver. Mais c'est pas mal. Pas mal. Tu te dis que le mec est chanteur des Wampas. Mm-hmm. Hein. Tu penses qu'il a envie, mais non. Mais non, ça je le savais. Ça. La composition, qui a beaucoup évolué depuis leur début, comprend actuellement Jean-Michel Lejoux, basse à la basse, ex-satellite, Effelo à la guitare, Nicolas Schauer à la batterie et Tony Truant, jeu de mots, à la guitare, qui est un ex-Dogs. Attends, en parlant de jeu de mots, je fais une petite aparté pour te raconter une blague. Fais donc. J'ai un abonnement à Spotify Premium, oui, je gagne ma vie. Et grâce à ça, j'ai pu avoir une Google Home, une enceinte connectée. Oh merde, t'as eu ça? Et du coup, depuis à la maison, ça n'arrête pas de « Ok Google ». Et donc, tu peux lui demander n'importe quoi. Et à un moment donné, ce midi, je lui dis « Qu'est-ce que tu peux faire ?» Elle me dit « Je peux vous divertir ». Je lui dis « Vas-y, divertis-moi ». Elle dit « Je peux vous raconter une expression idiote ou un truc comme ça ». Je dis « Bah, vas-y ». Elle me dit « Attends, comment elle dit ?»« Oh, l'autre jour, je me suis fait poser un sapin ». Sérieux? Attends. Je me suis fait poser un sapin. Au lieu de se faire poser un lapin, je t'ai fait poser un sapin. D'accord. Expression idiote. Moi, ça m'a fait rire. Allez, reprends. Okay. C'est sympa. Non, mais tu verras, tu la referas et... Ouais, faut que c'est le temps que ça mûrisse, tu vois, que ça m'a perturbé, putain. Donc, les Wampas sont surtout connus pour leurs textes faussement juvéniles de Didier Wampas, qu'ils chantent d'une foi parfois à la limite de la justesse. Ce qui est totalement faux, parce qu'ils chantent complètement faux. Longtemps méconnus du grand public et ignorés des médias de masse, les Wampas ont vu leur notoriété s'accroître en 2003 seulement. Oui. Qui est assez tard par rapport à 83, oui. La création. C'est vrai. Après leur signature avec la filiale d'Universal, le single Manu Chao, forcément, est alors diffusé sur les radios musicales nationales comme Europe 2 et même voire Energy. Waouh! Et Didier Wampas multiplie ses interventions à la télé et à la radio, ce qui fait de lui quelqu'un d'important, ce qui passe à la télé. C'est vrai. Le groupe est nommé lors des Victoires de la Musique 2004, en plus, présenté par Nagui sur France 2. Dans la catégorie groupe artiste révélation scène de l'année. Waouh! Pouce en l'air! Voilà, voilà. Histoire vraie. Hein. Ouais. Les Wampas se forment en 83. Voilà, avec comme meneur Didier Chapdelaine, alias Didier Wampas. Le nom Wampas vient du nom d'une tribu dans la bande dessinée Raon. La tribu des Wampas. Fils des âges farouches, la tribu des hommes Wampas habillés de capes rappelant les ailes des chauves-souris. A l'instar des Ramones, les membres du groupe accolent le nom de Wampas à leur prénom, comme s'ils faisaient partie d'une même famille, comme les Ramones. Bien qu'ils n'aient chacun aucun lien de parenté. À l'origine, les Wampas sont un groupe de psychobilly. Je suis pas sûr. Comme en témoigne, le look qu'ils adoptent à leur début. Coiffure banane ainsi que l'usage de la contrebasse. Au début, qu'ils ont abandonné. Pardon. Néanmoins, leurs influences musicales vont peu à peu, au long de leur carrière, se diversifier du psychobilly à Mike Brandt, en passant par Johnny Hallyday, le punk notamment les Ramones, les Beach Boys et les Yéyé. Je connais pas ce groupe. En septembre 83, sur grande expérience de la scène, les Wampas se produisent sur une petite scène lors de la fête de l'UMA. Lors de leur première prestation live, ils partagent souvent la scène avec le groupe Les Météores. Voilà, dès le début, les groupes connaissent de multiples changements de personnel, ce qui restera une constante dans l'histoire du groupe. D'accord. Vraiment, ça change beaucoup. Entre 83 et 85, la formation se stabilise autour de Didier Wampas au chant, Francis Wampas à la batterie, Alain Wampas à la contrebasse et Philippe Wampas à la guitare. Ah, ils sont frères. Les Rompas font partie à l'époque de la scène alternative parisienne et partagent souvent la scène avec des groupes comme les Coronados, les Garçons Bouchers, les Casse-Pieds, les Satellites, Berruriers Noirs, Ludwig von 88. Je vois. Voilà. Que des références. Dans sa chanson, chez Rascal et Ronan, François Hadji Lazaro évoque cette époque où se côtoyaient les groupes parisiens, notamment les Wampas, dans les mêmes bars. Le groupe répète dans une cave avec acharnement et sort en 85 son premier 45 tours. Bah oui. Dracubop. En mai de la même année, le guitare soft rock Mark Polis rejoint le groupe à la place de Francis Wampas, qui devient du coup Mark Wampas, et lui apporte une nouvelle dimension. C'est aussi à cette époque qu'arrive Nico Wampas, du coup. T'en fais des Wampas. Un peu plus tard. Voilà, voilà. Oh putain. Donc, tout ça, quoi, sur les Wampas. D'accord. Ouais. Voilà. Ok. Que dire sur les Wampas ? Bah, je sais pas. Qu'ils ont beaucoup d'albums, quand même. Ah, tu vois ? Malgré tout. J'ai écouté les Wampas à une époque. Pourquoi ? Le premier album. Ah, d'accord. J'ai écouté pas mal le premier album. Quasiment que le premier album. Après, j'ai pas accroché du tout. À l'époque ou maintenant, là ? Non, mais toujours, en fait. Ouais. C'est justement, je pense, le côté, comme il dit, juvénile des paroles et comme la danse du lombric ou celle que j'ai postée, j'ai avalé une mouche. Enfin, tu vois, c'est ça me parle pas. D'accord. Et sa façon de chanter me parle encore moins. Oula, attention, donc, c'est compliqué. Non, j'accroche pas du tout quoi, les Wampas. C'est vrai que ça me parle pas. C'est pas ma came. Donc voilà, j'ai écouté. Mais j'ai eu du mal à écouter. Ouais, d'accord. Vraiment. Et non, j'ai pas apprécié plus que ça. D'accord. Voilà. Donc, sachant qu'en face, il y a quoi déjà, j'ai dit Mercure ou Wizen Damptation à cheval sur Def Leppard. Ouais, bah voilà. D'accord. Après, je connais pas Mercure. Puis à 20h45, tu peux aller prendre un goûter. Hein. Donc, d'accord. Donc. C'est un peu, hein, comment dire, ça fait partie des groupes que tu auras pu redécouvrir, mais qui n'auront pas changé ton avis. Mais au moins, ça t'aura assis dans ta position. Et tu es plus à même aujourd'hui de pouvoir dire les Wampas, j'ai essayé, c'est pas pour moi. Ouais. Très bien. Voilà. Ok. Bon, bah, je passe à mon prochain groupe. On peut éventuellement dire que les Wampas, tu sais, dans le fameux morceau Manu Chao, oui, qui parle de Saint-Lô. Ah oui, oui. Voilà. Oui, mais alors je sais plus pourquoi. Parce qu'en fait, il chante dans un groupe punk qui vient de Normandie. Alors ça commence, hein. Je chante dans les Glavios, un groupe punk de Normandie. Oui, c'est ça, les Glavios, c'est un groupe de Saint-Lô. Oui, ouais. Du coup, c'est les mecs que j'ai fréquentés en plus. Ah oui, ouais. À mon époque, punk à chien, justement. D'accord. Je les ai pas mal fréquentés, donc Biquet, tout ça. Ah oui. C'était des potes. Bah des membres du groupe, du coup. Ah bah oui, c'était le chanteur Biquet. Ah bah tu vois. Mais il faisait quoi alors lui, Didier Wampas ? Ah bah ça c'est une bonne question, je l'ai jamais vu. Mais apparemment il se côtoyait un peu avec... D'accord. Ouais. Eh ben, en voilà des choses. Ouais. Très bien. Ok, bon bah je vais passer à mon troisième groupe alors. Ok, donc mon troisième groupe, qui est un groupe qui a fait un choix plutôt malin. Aha ! Embryonic Cell. Embryonic Cell ou les cellules embryonnaires. Tout à fait. Tant et qui passe le dimanche sous Altar de 10h30 à 11h face à Alien Weaponry et Odent, ou Odent pour ceux qui sont bilinguistes. Il passe face à Alien Weaponry. Ah. Ça, c'est de la flûte. Donc, Embryonic Cell ou les cellules embryonnaires, effectivement, l'anglais était mieux sur ce coup-là. C'était ça le bon choix. Est-ce que tu te fais appeler les cellules embryonnaires ? Ouais. Ah, c'est moins accrocheur. Parce que Cocorico, exact. Le groupe est français. Embryonic Cell est donc un groupe de black metal death symphonique qui s'est formé en 94 dans la jolie ville de Troyes. Enfin, je suppose, jolie, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Mais n'oublions pas la raison de cette chronique, à savoir le groupe qui, après avoir passé 13 ans dans l'underground, 13 ans, sort enfin son premier album en 2007, Before the Storm, suivi de Black Seas en 2008. Le groupe qui accumule les concerts publie en 2012 The Dread Sentence, leur troisième album, puis finalement en 2018 Horizon, quatrième et dernier album d'un groupe qui a accumulé plus de 250 concerts. Bref, Embryon XL, c'est la noirceur black, la puissance du death, des synthés qui passent, et donc encore une belle découverte de cette affiche. Ça, c'est à moi d'en juger, mec. C'est pas faux. Du coup, j'ai écouté les deux derniers albums parce que sur Spotify, j'ai pas vu les deux premiers. Et c'est effectivement ça, hein, c'est vraiment du black metal, death symphonique. Et c'est un mélange qui a plutôt bien fonctionné sur moi parce que tu retrouves vraiment comment on appelle ça, les choses typiques du black metal, même si la voix oscille un peu entre le black et le death, elle n'est pas totalement black, elle n'est pas totalement death, et que c'est vraiment les éléments death symphonique qui viennent complètement, moi, me toucher et se marier assez intelligemment avec le côté black metal, qui fait que c'est un mélange qui marche très très bien pour moi. Alors c'est vrai que de ce que j'ai compris et entendu au niveau des paroles, ça reste très black, et donc du coup, ça me toucherait un peu moins et m'intéresserait un petit peu moins. Mais sur l'ensemble, musicalement, de ce que j'ai écouté, j'ai beaucoup aimé les deux derniers albums. Beaucoup au point d'acheter un CD, je ne suis pas sûr. Parce que ça reste quand même un style un peu particulier. Mais je pourrais réécouter régulièrement parce que j'ai beaucoup aimé. Et quant à aller les voir, j'ai très envie d'aller voir Alien Weaponry. Hein, ça, je l'avais dit. C'est un groupe que j'attendais. Donc je pense que j'essaierai un peu de switcher entre les deux, même s'il n'y a qu'une demi-heure, donc ça risque d'être un petit peu chaud. Mais j'ai quand même vraiment envie de voir ce que ça donne sur scène parce que c'est un peu efficace. Bon, par contre, les mecs, j'ai vu votre clip. Il y a deux, trois trucs qui vont pas quand même dans le clip. Hein. Et je dis pas ça pour que vous nous demandiez de réaliser le prochain. Parce qu'on l'a déjà dit plus tôt dans l'émission. Oui, parce qu'en général, si jamais ils viennent écouter, ils vont écouter qu'à ce moment-là. Ils ne vont pas écouter toutes les musiques. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai déjà fait la blague plus tôt avec Fallen Lilies. Mais ouais, non. Alors, le clip est pas mal, mais il y a quand même juste deux, trois trucs qui ne vont pas. Par contre, non, musicalement, c'est top. C'est vraiment un mélange qui marche plutôt bien. C'est ni trop black metal, ni trop death. Donc, c'est... Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je réécouterai ça avec plaisir. J'essaierai d'écouter les deux premiers albums si je peux. Mais... voilà. Il y a vraiment en plus une nette progression sur Horizon. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Ils ont poussé les potards. Ils ont une petite évolution qui est sympathique. Voilà, donc un groupe que je vais suivre à partir de maintenant. Voilà. Tout de suite, là ? Tout de suite. Ah, d'accord. Donc je te laisse finir l'émission. Okay. Et voilà. Ça va pas être Jojo, moi, je te le dis. Donc voilà. Ça va être bien probant, tout ça. Je te laisse ton troisième groupe. Ah, tout à fait. Qui se trouve être Vomitory. Ah, t'as zappé un groupe ? Ah non, enfin, tu fais dans l'ordre que tu veux, mais... Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Vomitory qui passe le dimanche sous Altar de 16h à 16h40 face à Clutch et Arabrot. Donc, c'est déjà mort pour eux. Petit ange parti trop tôt. Voilà, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Adieu. Donc Vomitory, qui est un groupe de death metal suédois, originaire de Forshaga, qui est certainement un village fort sympathique. Mm-hmm. Le groupe est formé en 89 par le bassiste Ronnie Olson, le guitariste Urban Gustafsson et le batteur Tobias Gustafsson. À mon avis, je pense que il y a un lien. Ils devaient boire de la bière ensemble. Depuis sa création, le groupe a fait paraître un total de 8 albums studio. Quand même. Ce qui est déjà un chiffre correct. Plutôt bien. Hein, parce que c'est le chiffre de l'infini, et je pense qu'à mon avis, soit 6 au label Metal Blade Records, d'accord, qui est un label bien connu de ceux qui connaissent Metal Blade Records. C'est pas faux. En février 2013, Vomitory annonce une dernière date de tournée, le 27 décembre 2013, avant la dissolution totale la même année. Oh non. T'es triste ? Bah, je suis plutôt bon, ouais. Ouais, ok. Parce que moi je suis nul. Je sais. Non, je pense qu'on peut pas se faire. Pas inquiet, hein, donc voilà. Je vais pas vous refaire la bio hein, parce que c'est très long. D'accord. Parce qu'on commence en 89. Hein, ouais, voilà, jusqu'à ce qu'ils se séparent en 2013 et qu'ils reprennent. En quelle année quand même ils reprennent ? Alors ça, c'est une bonne question. Bah, oui, merci de l'avoir posé. Je suis comme ça, ça moi. Fait plaisir. Je sais mettre le doigt là où il faut. Tout à fait, j'entends bien. La police a dit que je savais le mettre où il fallait pas aussi. Mais... Ouais, mais ça après, si la personne a porté plainte, c'est pas. Donc ils ont un album 2001. Enfin, c'est plutôt les parents qui ont porté plainte. Mais... Ah, oula, dis donc. 2011-2019, donc je pense qu'à mon avis, ils sont reviendus entre les deux, quoi, 2018, dans cet esprit-là. Ils ont sorti Redemption en 2019, et apparemment, 13 titres. Voilà. Le mec découvre en direct son groupe. Ah bah d'accord. Ouais, ouais, carrément. Non, mais je me suis pas penché trop sur le truc. Ah si, en fait, ils ont fait un album. Attention, j'ai une question. Tu t'es pas trop penché sur le truc parce que t'as vu qu'il y avait Clutch en face ou parce que... Non, pas du tout. Non. Justement, bah attends. Ah non, ça n'a rien à voir avec Clutch. Ou parce que t'as écouté et t'as fait... Nap, pas pour moi. J'ai écouté, j'ai pas fait... pas pour moi. D'accord. Parce que ça me déplaît pas. D'accord. Je suis pas fan, j'aime bien, mais je suis pas fan, j'écouterai pas ça de mon propre chef, on va dire. Faut vraiment qu'on me fasse écouter, ça me dérange pas de l'écouter. D'accord. Voilà, mais non, je suis pas spécialement fan, c'est un peu trop vomitory pour moi. D'accord. Voilà. Musicalement, j'aime bien, ça passe. Après, c'est la voix qui reste assez constante dans le... Tu vois, c'est trop peu audible pour moi, et du coup ça me perturbe, et je ne sais plus où je suis, donc voilà. D'accord. Musicalement ça passe, après faut être fan je pense de Vomitory pour se dire je vais les voir, où il y a aussi le côté ils reviennent motiver les trucs. Aussi ouais tu vois ça peut mais jouer. Ouais je pense que avec le alors je peux pas dire par rapport à la discographie parce que t'es perdu parce que je suis perdu. Non mais je vois parce qu'il y a Redemption qui est daté de 2019 et Wrapped in Their Own Blood qui est daté de 2019. Voilà, donc il y a des bonus éditions sur Redemption. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle une réédition? Une réédition, voilà, c'est ça, tu vois. Parce que Wrapped in Their Own Blood, c'est un bonus édition. Mais est-ce qu'il date réellement de 2019? T'étais sur quoi là? J'ai un doute. Où est-ce que tu regardes là? Je suis sur Spotify. Ah bah mais Spotify, en fait, il est aussi en fonction de la date où ils les ont postés eux. Donc ça ouais, peut non, être... mais ils sont un peu cons aussi. Je vois pas trop l'intérêt. D'accord, bon, donc t'as pas trop aimé? Pas plus que ça. Alors, Redemption date de 99. Ah bah tu vois, voilà. On avance. Et Wrapped in Their Own Blood de 96, donc tu vois. On avance. Ouais. Ok. On recule aussi pas mal, hein, parce que du coup, de 2019, on passe quand même à 96 et 99. Hein. Ok. Donc ils sont revenus, mais avec rien. C'est bien déjà. Avec leurs anciens albums, en fait. Mais il y a de quoi faire. Parce que rien que là, déjà, quand mais même... Mais toi, t'as écouté quoi, toi? Alors, moi, j'ai écouté, justement, Wrapped in Their Own Blood, parce que j'ai vu que c'était, 2019, Spotify. Donc t'as dit, ah, c'est le dernier? Bah, écoute... Naïf. Moi, je ne crois que qu'est-ce que je vois. Alors, du coup, c'est vrai que là, je me suis fait un peu baiser. Mais j'accepte. J'accepte. C'est tout à son honneur. Parce que c'était fait proprement. Donc voilà. Et en fait, il n'y a pas un seul album qui date des années 90, hein, déjà. Donc, pour un groupe qui a été formé en 89, merci Spotify, quoi. Hein. Non, mais. Ah oui, d'accord. Donc, toi, t'es genre de. Ah, ok. Il n'a pas compris comment ça marche. Non, mais. Moi, je m'en fous. Il y a de la musique. J'écoute. Après, qu'est-ce que tu veux que j'en branle, quoi, qu'il soit sorti en 2009 ou en 2004 ou en 90? Ok, d'accord, alors tout de suite tu vas te détendre. D'accord. Si t'as un problème avec Spotify, t'appelles Monsieur Spotify. Ouais, tu crois que je vais l'appeler? Allô, Monsieur Spotify. J'ai un problème avec vous. Trop. La bagarre. Ah, la bagarre. Hashtag la bagarre. Je comprends pas, Vomitory, ils sont où les albums de 90? Get the shot. Bim. Bon. Bah écoute, on a bien avancé dans le schmilblick. Complètement. Bah tout ça pour dire que Vomitory, pas pour moi. D'accord. Mais pour ceux qui aiment bien Vomitory. Ok. On avance, hein. Bah oui, là. Mais du coup, tu iras voir quoi à la place? Je sais pas, peut-être que j'irai bouffer un casse-dalle, j'irai pisser, boire l'apéro. Tu vas prendre un L-Snack. Ouais, un L-Snack, c'est bien ça. Au steak. Bon, bah je vais passer à mon quatrième groupe. Parce que là, on avance et j'ai un peu peur qu'on aille trop vite et qu'on fasse moins de 2 heures. Ah merde, on est à combien? On est à 1h39. Ben, c'est bien ça. C'est parfait. Donc, mon quatrième groupe, donc, est Architect. Ah, alors, Architect, pour tout dire, c'est un groupe. Ouais. Et il passe le samedi en Main Stage 2, de 1h05 à 2h05, face à The Sister of Mercy et le bal des Enragés. Ouais, donc là on est sur plein de champs des possibles. Ah bon? Bah Sister of Mercy je connais pas bien. Ah d'accord. Et le bal des enragés à Warzone, bah c'est du sûr. Et Architects en main stage. Donc c'est un champ des possibles qui est très large. Oui, alors oui, effectivement. Architect est un groupe de trucs en core. C'est bien ça. Metalcore, post-hardcore, deathcore, hardcore mélodique, madcore. Ouais. Britannique, originaire de Brighton en Britannie. C'est britannique. Britannique, quoi. Formé en 2004 par le batteur Dan Searle et son frère jumeau et guitariste Tom Searle, le groupe se faisait appeler auparavant Inharmonic, ce qui est assez marrant, puis a changé rapidement en Counting the Day, ce qui là pour le coup n'a plus aucun sens, pour finalement opter pour Architect. Le groupe en entier est devenu végan après avoir regardé un documentaire, ce qui soit veut dire qu'ils n'ont pas de personnalité, soit qu'ils sont solidaires. Soit que la manipulation des images a été très réussie. Non, parce que je veux bien qu'on choisisse un nouveau mode de vie, mais tu t'arrêtes pas à un docu. Ça dépend du docu. Ah, c'est pour ça, le truc. Tu multiplies. Enfin, Le groupe sort son premier album en 2006, Nightmare. On pourrait dire Nightmare, mais j'aime bien dire Nightmare. Nightmare, ouais. Ou Nichtmar aussi, c'est pas mal. Ça fait allemand, je trouve. Nightmare, comme Avenged Sevenfold, mais dans un genre différent, du coup, parce que c'est pas... Ah, c'est pas Avenged Sevenfold. C'est pour ça. Ouais. Après le départ du chanteur, sorti du deuxième album, Ruin, en 2007, puis troisième en 2009, Hollow Crown. Tu vois les dates, hein. Puis le quatrième, The Here and Now, en 2011, qui s'oriente cette fois vers une direction post-hardcore. Ah oui. Du coup, l'album est plutôt bien accueilli par la presse spécialisée, mais refusé par les fans. Ils ont fait « Non !» Ok, bah dit, écoute, non. Catégorique, quoi. Voilà. Du coup, 2012, on fait machine arrière et on revient au style original pour le cinquième album, Daybreaker, qui, pour changer malgré tout, se concentre sur des paroles politiquement impliquées, contrairement aux paroles violentes et comiques des précédents albums. Tu vois. 2014, sixième album, Lost Forever, Lost Together. 2016, septième album, puis c'est le décès de Tom, le guitariste, en août, ce qui mine un peu tout le monde. En plein été. Ouais, c'est un peu, ça a vraiment un peu... Du coup, pas de petits parasols dans groupe... les verres. Pardon ? J'ai du coup pas de petits parasols dans les verres. Bah non, après là, ils ont pris... Qu'est-ce que t'as mis un parasol, mais tu penses à Tom ? Mais le groupe décide de continuer en sa mémoire, et après un premier titre en septembre 2017 qui raconte la douleur causée par la perte du frère et d'un membre fondateur du groupe, tout en précisant qu'il n'y avait pas de nouvel album de prévu. C'est en novembre 2018 que Holy Hell, septième album du groupe, le remet sur le devant de la scène, plus fort que jamais. Et donc, Architect, j'avais un peu d'a priori, parce que j'avais déjà écouté plusieurs fois le groupe. Justement, je pense à la sortie de l'album, on avait dû en parler un petit peu. Et en général, le metalcore, on n'est pas forcément fan. Ça fait vraiment que le groupe ait quelque chose d'en plus, mais on a un côté trop répétitif qu'on n'aime pas trop. Ouais. Et en fait, en repartant du début du groupe, j'ai plutôt bien aimé le premier album. Et en fait, dans la continuité de ce que j'ai écouté, j'ai trouvé que les autres albums allaient bien. Ça me perd, sur la fin, ça me perd un peu. Je ne sais pas si c'est devenu trop metalcore ou trop truc, mais je suis moins fan. Mais les débuts me plaisent plus. Ouais. C'est vraiment le premier album que j'ai préféré de ce que j'ai écouté. Alors, j'en suis pas non plus à me dire « Oh, je vais acheter du Architect ». Mais j'ai un peu envie de mieux réécouter certains autres albums pour voir s'il y a vraiment une évolution ou un changement qui me plaît pas. Tu vois, du coup. Parce que vraiment, ce premier album m'a bien plu. J'ai bien aimé ce qu'il proposait. Les variations qu'il pouvait y avoir dedans qui étaient moins sur le côté trop... Tu sais, il y avait un groupe, alors c'est pas Architect, mais on avait un groupe l'année dernière où, je sais plus si tu te souviens, le mec, il était parti à Bali, je crois, avec le nom du groupe, et il avait gardé le nom du groupe pour lui. Et en fait, il y avait des sonorités un peu trop électro dans le dernier album. Wow, putain, la vache. Ouais. Je vais pas me rappeler du groupe. Amadou et Mariam. Voilà, ça devait être ça. Du coup, sachant que Architect passe en main stage, mais à 1h05 jusqu'à 2h05, est-ce que visuellement ça peut être intéressant? Peut-être. Est-ce que j'aurais envie de rester sur la totalité du bal des enragés? Il y a peu de chance, je pense. Sauf si c'est vraiment une super ambiance, là c'est possible. Mm. Et tout dépendra de Sister of Mercy, que je connais pas assez pour avoir un avis. Même si je suis pas sûr que ça soit une bonne heure pour ce groupe-là. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Okay. Très bien. Donc voilà, Architect, j'achèterai pas de CD. J'ai bien aimé le début. Je voudrais m'y plonger un peu plus pour continuer. Mais c'est pas une super découverte. Juste, j'ai bien aimé le premier album. Voilà, pour mon quatrième album. Est-ce que toi, tu as un peu écouté Architect ou tu t'en souviens? Non, pas du tout. Non. Très bien. Eh bien, je te propose d'enquiller, comme on dit. Ah oui, d'accord. Écoute, je te propose d'en écouter. Donc, mon quatrième, hein, c'est ça? Je peux paumer, moi. Ouais, je crois. Hein. Quatrième et avant-dernier groupe, qui est un groupe encore Cocorico. Hein, Cocorico! Parce que il s'agit de Ultra ou Ultrum Vomitae. Qui passe le vendredi en main stage 2 de 19h40 à 20h40 en face de Kevlertak et Graveyard. Dans la spéciale 100% Frenchie. Ouais. Alors laisse-moi te dire que ton choix peut être compliqué. Oui, il va être assez cornélien. Est-ce que tu as écouté un peu Kevlertak? Non. Alors n'écoute pas alors, parce que ça va vraiment compliquer ton choix. Si, je vais écouter quand même. Merde. Bah si. Non, parce que juste... Graveyard déjà. T'aimes bien Graveyard, c'était bien. Ouais. Alors déjà, c'est... moi le peu que j'ai écouté, je trouvais ça bien. Alors Kevlertak, j'adore. Non, puis je crois que j'avais envie de voir Graveyard justement. Alors, je t'en prie. Ah continue. Là là là là. La vie. Hein. Merci le Hellfest, hein. Super. Donc, le genre musical de Ultrum Vomitae. C'est du heavy metal parodique, grindcore, death grind. D'accord. Jusque là, je suis plutôt bien. D'accord. Donc en activité depuis 99. D'accord. De d'accord. Ouais. C'est cool. Donc voilà, originaire de Nantes, dans la Loire-Atlantique. Donc ils n'auront pas beaucoup de kilomètres pour se déplacer. Déjà. C'est vrai. À ses débuts, le groupe est initialement influencé par le grindcore. Mm-hmm. Voilà. Ce qui ne m'étonne pas. Ces morceaux contiennent généralement des paroles humoristiques avec un côté volontairement absurde, influencé par le monde des dessins animés, de la publicité et de la culture populaire en général. D'accord. Une partie de leur répertoire est constituée de reprises du top 50. Voilà. D'accord. Donc, c'est pareil, je ne vais pas refaire la bio, parce que c'est... Il y en a, il y a de quoi dire. Vous savez lire, je pense. Oh. Oh. Donc voilà, Ultra Vomit, bah, on les présente ou pas? Je crois pas, hein, y a plus besoin. Qui ne connaît pas Ultra Vomit? Bah, disons que leur dernier album a plutôt bien marché. Ouais. Ce qui a entraîné une tournée qui a plutôt bien marché. Aussi, ouais. Et que donc, bah, on les voit beaucoup partout. Ouais. Donc, ouais. Voilà. Ils ont encore rajouté des dates à leur tournée. Tout à fait. Et je me souviens qu'à la sortie de cet album, il y avait Fetus qui avait dû dire un truc du genre « Mais moi, ce que j'aime dans la vie, c'est jouer à FIFA, en fait. » Que donc, c'est pour ça qu'il avait mis autant de temps à ressortir un nouvel album et que... Mmh. Voilà. Ouais. Que, bah, c'est là, pas bien, FIFA, en plus. Hein ? C'est pas bien, FIFA. Bah, bon, écoute, ne jugeons pas. Alors que Ménard, lui, joue... Manard, plutôt, joue à beaucoup de FPS et en réseau. Et... D'accord. Voilà. Ok. Moi, je connais des choses. Ouais, c'est cool. Bah, je t'en prie, vas-y, hein, parle-nous de... Bah ouais, bah après que dire, ils ont 3 albums. Mm-hmm. Voilà, depuis... j'avais dit 99 2000. Ouais, 2000. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Ultra Vomit? Hein, je crois que j'ai à peu près tout dit. Bah t'as pas dit si t'aimais bien déjà. Si, j'aime bien Ultra Vomit. Non, j'aime bien Ultra Vomit, c'est le côté parodique. Bizarrement, on pourrait s'en lasser. Si on ne l'écoute pas tous les jours, on ne s'en lasse pas. Alors, moi, j'irais en fait dire que c'est de la parodie faite avec qualité. Ah, complètement. C'est-à-dire que déjà, d'un côté, Fetus a une voix qui peut complètement changer et adapter à n'importe quelle personne qu'il essaye d'imiter. On le voit bien dans le dernier album, hein. Voilà. C'est très bien fait. Donc, Après, juste petite parenthèse, sur le sampler du rockard de Swansea, il y a l'extrait d'un chien géant en live. Ça passe moins. Ah ouais. On voit qu'il imite Nico de Tagada. Ouais. C'est forcément un peu moins réussi. Ah oui. Mais bon, ça reste très bien, hein, attention. Puis en live, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais non, il est très très fort de ce côté-là. Et du coup, même les morceaux sont souvent faits avec une extrême qualité, que ce soit au niveau musical ou prod. C'est-à-dire que quand t'écoutes Calogira, t'es vraiment... ouais, complètement. Ça marche trop bien, quoi. Donc, non, mais même E-tron, hein. Ouais, les paroles sont très cons, mais... Non, à côté de ça, c'est des très très bons musicos, les mecs. C'est quoi. Ça. Donc c'est justement ça que je me disais, quoi. Est-ce qu'ils sont pas un petit peu piégés eux-mêmes dans leur groupe? Victimes de leur succès? Non, pas ça. Est-ce que maintenant, je pense qu'ils sont obligés de faire de la musique parodique? Ah bah sous la forme d'Ultra Vomit. Sous Ultra Vomit. Bien sûr, oui. Ah oui. Alors, ce qui serait peut-être éventuellement intéressant, serait qu'ils essayent de sortir un album, peut-être voir. Non. Non. Bah non. C'est pas possible. Après, ça dépend d'eux, quoi. C'est toujours pareil. Non, mais quoi. Ça, ils le feront pas, c'est sûr. C'est pas possible. Ils ont c'est possible. Non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que justement, ils sont trop dans le. Ultra Vomit, c'est un groupe parodique comme ça. Donc ils oui, mais il faudrait qu'ils changent de nom. Bah oui, mais c'est pas eux qui. Musicalement, ils sont super doués, les mecs. Mais non, mais je sais que Flocos, il a un autre groupe. Manard aussi. Je sais pas. Ouais, Fetus aussi, il a un autre groupe. Il a un groupe pop avec le mec qui fait les canards, là. Peut-être. Ouais. Ah, si, Andrea et je sais plus quoi, mais ouais. Donc, non, ils ont d'autres trucs, mais ils font pas entre eux, ou alors je pense pas. Mais ouais, non, ça, c'est parce que c'est sous cette forme-là que ça a marché. Puis c'était aussi une question, peut-être une question de timing, hein, parce que ça a pas autant marché que là, ça cartonne, quoi. Ouais. Donc, est-ce que c'est les morceaux? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est. Ouais, c'est vrai que moi, je me rappelle les avoir vus à Tours-la-Ville, je crois. Enfin, pas loin de Cherbourg. Pour leur premier album. Et ouais, de là, j'avais quasiment plus entendu parler d'Ultra Vomit parce que je les suivais pas et parce que voilà. C'est vraiment pour le dernier album que j'ai entendu parler d'eux. Quand même. Donc oui, ça date quand même parce que c'est dans les années 90, peut-être début. Non, 90, je raconte. Début 2000. Alors ça date des années 80, le groupe s'est formé en 2000. Ah, est-ce que... ah, c'était en 67, je crois. Donc on peut dire quand même que t'as un album de Ultra Vomit. Oui. Tu as écouté les autres pendant cette. Bah oui, je les connais, ça fait longtemps que je les connais, donc du coup je les écoute. Et donc tu vois aussi une évolution à travers les albums. Une évolution, je dirais oui, forcément, hein, parce que t'as une évolution de prod déjà, une évolution musicale aussi qui c'est plus carré, c'est plus propre, c'est plus voilà. C'est plus écrit, je trouve, même, dans leurs conneries. Par exemple, un morceau qui est super, c'est Batman vs. Superman. Predator. Ah, pardon, Predator. Je confonds avec le film. Exactement. qui est super bien écrit, qui est un morceau qui, musicalement, passe super bien. Qui est, voilà. Je préfère Heavy Metal. Ouais, bah après, voilà, chacun, c'est. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pour dire. Et donc, alors du coup, qu'est-ce que, comme conclusion, tu peux dire, t'iras les voir, t'iras pas les voir? Non, main stage. Ah non. Ah bah, c'est plié. Bon, bah voilà. D'accord. Et toi? C'est qu'avait l'air tac. Bah, c'est ça. Et j'ai pas trop envie d'écouter Graveyard pour pas me donner envie de. Bah ouais. Après, bon, ce qui joue aussi, c'est qu'Ultra Vomit, on les a déjà vus au Hellfest. On les a vus à côté de chez nous aussi. Plusieurs fois, ouais, c'est vrai. Donc, je préfère rêver à un groupe que j'ai pas vu qu'un groupe que j'ai déjà vu plusieurs fois. Mm. Par contre, je trouve ça vraiment super cool pour eux qu'ils aient cet espace-là, quoi. De jouer à cette heure-là sur une main stage, c'est vraiment cool, quoi. Sur la 100% Frenchie. Voilà. Se retrouver avec des camarades. Ouais, puis ça va être. C'est vraiment cool parce que la dernière fois qu'ils sont passés en main stage, ils avaient déjà apparemment, ils tremblaient, c'était dur, enfin le stress quoi. Ouais, puis c'était midi, ouais. De mémoire. Donc là, ça va être quand même un peu plus cool, plus de monde, plus top. Ouais. Donc plus de stress. Bah oui. Très bien. Plus de tremblements. Autre chose à ajouter? Non, non, non. Eh bien, je vais passer donc à mon dernier groupe, qui est Cult of Luna. D'accord. Dont notre cher ami Jean-Michel, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Nous a demandé ce que ça valait en live. Alors, Cult of Luna, qui passe le samedi en Valais, de minuit à 1h, face à Kiss et Bloodbath. Déjà, ça, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Donc déjà, ce que je peux dire, c'est qu'en live, bah, je sais pas, je les ai jamais vus. Mais, voilà. Mais je me suis de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu lire, ça a l'air plutôt bien en live. Alors, Cult of Luna, ou le culte de la lune, est une pratique assez ancienne qui consiste à vouer un culte à la lune. Ouais, j'aurais pas vu ça comme ça, moi. Bah, pourtant, c'est moi qui ai marqué, donc je sais. Ah, bah ouais, bah écoute, autant pour moi. Ou sinon, pour ce qui nous intéresse ce soir, c'est un groupe de métal progressif, sludge, post-hardcore, post-metal suédois, originaire d'Umeå, dans la commune d'Umeå, et qui s'est formé en 98, à la suite de la séparation du groupe Eclipse. Ah, bah oui, bah du coup, c'est pour ça qu'ils vouent un culte à la lune. Qui est une occultation d'une source de lumière par un objet physique. Comme un soleil, par exemple, ou... Une bière. Ouais, voilà, c'est ça. Une bière. Ouais. Ou, pour le sujet qui nous intéresse, un groupe de hardcore qui n'a jamais vraiment fait parler de lui, un peu comme nous, dans son pays natal, totalement comme nous, et qui était pour le premier groupe du chanteur Clad Rydberg et du guitariste Johan Persson, qui vont donc ensuite bâtir Cult of Luna. Comme nous. Comme nous. Après une première démo assez brouillon entre hardcore et passage plus calme, le groupe qui continue de chercher son style a du mal à trouver une stabilité dans sa formation. Et c'est un fan, accessoirement gérant de Trust No One Recording, qui leur fait rencontrer Switchblade, un groupe dont je n'ai aucune info. Mais avec qui ils font un split album qui marquera leur style plus lourd, plus doom. Là, Wikipédia fait une légère ellipse, du coup je vais remplir un peu les blancs. 2001, premier album, intitulé Cult of Luna. 2003, second album, Di Beyong. 2004, troisième album, Salvation. 2006, quatrième album, Somewhere Along the Highway. Fin de l'ellipse. 2008, cinquième album, Eternal Kingdom. Alors là, par contre, j'ai retrouvé une info plus tard, donc je la retrouve là aujourd'hui. Ce qui est important avec Eternal Kingdom, c'est celui-ci est un concept album. Toutes les pistes ont un rapport entre elles. Le groupe a trouvé, suite à un grand ménage dans son local de répète qui était situé dans un ex-hôpital psychiatrique des années 20, le journal de Holger Nilsson, un des ex-internés. Dans ce journal, il raconte le meurtre de sa femme et explique son innocence, précisant que sa femme a été tuée par Naken, l'équivalent de Satan, et donne de nombreux détails sur des Cumans, mi-hommes, mi-ours, et ce monde fantastique qu'il imagine. Eternal Kingdom reprend ses écrits et tente de retranscrire musicalement la folie des mots. Moi déjà, rien qu'avec ça, c'est gagné, c'est signé. C'est classe. J'achète. Moi j'adore. Donc, 2010, le groupe publie Eviga Ricket, un livre audio qui reprend l'histoire et le thème de Eternal Kingdom et qui raconte l'histoire de Monsieur Holger Nilsson, personnage étrange qui avait été évoqué tout le long de leur album. 29 janvier 2013, sixième album Vertical, puis le 20 septembre 2013, sortie d'un EP Vertical 2. Et le 17 décembre, le groupe annonce une pause dans ses activités. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils annoncent un album Vertical et un EP Vertical 2. Parce qu'en fait, le groupe a tendance à faire des morceaux souvent très longs. Et donc, entre un album et un EP, il n'y a pas beaucoup de nuances. Ouais. Tu vois, tu vas avoir un EP 4 titres qui va durer aussi longtemps qu'un de leurs albums. Tellement, Et sache que lors de l'enregistrement de Vertical, le groupe effectue des changements de formation. Enfin, le clavieriste se barre. J'appelle pas forcément ça, j'appelle plus ça s'adapter que faire un changement de formation. Et en 2014, lors de la participation du groupe à un festival, c'est le guitariste qui décide de partir. Et ces changements ne furent révélés qu'en fin 2016. Donc bien plus tard. Alors que le 7e album, Mariner, lui, est sorti en avril 2016, c'est un album en collaboration avec Julie Christmas, ancien membre de Made of Babies et de Battle of Mice. Et ce Mariner est classé meilleur album de l'année par la rédaction du site Metallurgy. Pour résumer, Cult of Luna, c'est un split avec un groupe que je connais pas, des morceaux un peu longs et des EP qui font la durée de 3 albums de grind et un album de hardcore. 7 albums studio, 2 DVD live, dont un qui reprend un concert parisien, et ça, c'est GG. Et c'est sûrement le groupe parfait pour terminer son samedi soir sous la vallée. Et ça fait chier, parce que ça passe en même temps que Bloodbath et Kiss. Donc j'ai bien aimé Bloodbath, je tiens à le rappeler. Et Kiss, c'est un groupe que je voulais voir parce que, bah, voilà. Kiss. Voilà, c'est Kiss. Alors que dire d'autre? C'est hyper intéressant. Ce que propose le groupe, c'est hyper intéressant parce que c'est à la fois lourd, mais assez musical. Et en même temps, la voix du chanteur est très énervée, écorchée, comme torturée. Et du coup, quand j'ai lu la petite précision sur le fait qu'ils ont rajouté une histoire aussi impressionnante que ça pour un des albums, ça prend tout son sens. C'est vraiment intéressant ce qu'ils proposent. Et un peu comme Kevin, dans le sens, écouter pour la chronique m'a vraiment donné envie de beaucoup plus approfondir. Parce que chaque album a l'air d'avoir son univers et sa particularité, mais ça a l'air vraiment d'avoir... je pense que c'est Sous la Vallée parce que ça va vraiment être visuellement hyper intéressant. Je pense qu'il va y avoir quelque chose. Et c'est un peu ça qui me fait chier. Parce que là, que ce soit entre Bloodblast, que j'ai beaucoup aimé, qui a une vraie énergie, que ce soit Kiss, qui va être visuellement à une tuerie. Et si en plus Cult of Luna, Sous la Vallée, a non seulement une tuerie, mais en plus un vrai truc. Juste pour préciser, je suis un peu moins fan de leur dernier album avec la chanteuse parce que ça reste intéressant, mais un petit peu moins. Le groupe n'a pas forcément besoin de ça, on va dire. C'est bien dans la discographie, mais voilà, moi j'ai moins aimé ce truc-là. Mais sinon, à côté de ça, c'est hyper bien. Musicalement, c'est tout ce que j'aime. En plus, je pourrais complètement en acheter, hein, vraiment. Mais c'est un truc de post-hardcore, c'est vraiment très. Ambiance, une voix torturée, des gens, une musique qui va avec, qui se marie bien. C'est très bien, je recommande. Allez-y, allez-y. Il y aura moins de monde à Kiss. Ouais. Voilà. Donc c'est très bien, Cult of Luna. Voilà. Cool. Je vous en prie. Eh bien, mon dernier groupe, Oui? qu'il se trouve être Def Leppard. Qui passe le samedi en Main Stage 1 de 21h05 à 22h20 face à Mercury Folkeson à cheval sur Dark Tranquility et les Vampas à cheval sur Envy. Ne regarde pas comme ça, j'y peux rien. Pas moi qui ai fait le running order. Je n'ai rien dit. Alors, Def Leppard, qui est un groupe britannique de hard rock, heavy metal, glam metal, en activité depuis 77. Ouh là là, ça ne nous rajeunit pas. Quand même, hein, c'est pas des tout jeunes. Originaire de Sheffield, en Angleterre, particulièrement populaire dans les années 80, le groupe est associé à la nouvelle vague du heavy metal britannique. Oui, The New Wave of British Heavy Metal. Exactement. Tel Iron Maiden. C'est ça. En 2009, le groupe recense quand même 65 millions d'albums vendus. Juste en 2009. Donc on est 10 ans après. Donc tu peux te Ah dire oui, non, qu'ils en ont mais revendu 2-3 en plus. il y a un album qui a méga méga cartonné donc. Ouais. Oui, j'ai le nom, mais je le. Adrenalize, non? C'est ça? Je sais plus. Je sais plus. Bon, c'est pas Je l'ai lu. Donc, le groupe Atomic Mass, né du duo des copains guitaristes Pete Willis et Rick Savage, accompagné du batteur Tony Kenning en 77, qui étudie dans le même lycée de Sheffield. Pete Willis rencontre un certain Joe Elliott dans un bus et celui-ci est immédiatement auditionné au chant. Il devient le chanteur attitré du groupe, mais propose comme nouveau nom Def Leopard. Le léopard sourd, c'est finalement la forme contractée, Def Leppard, qui est adoptée en janvier 78. Le groupe engage Steve Clark comme second guitariste en novembre 78. Tony Kenning quitte le groupe, Frank Noon est un temps le batteur du groupe, mais c'est finalement Rick Allen, un jeune garçon de 15 ans, qui devient le batteur de Def Leppard. Leur répertoire comprend alors des reprises de Bowie et Black Sabbath, entre autres. Normal. Voilà. Alors, donc, on va dire début de la célébrité de Def Leppard. Ça va pas être long. On va retrouver le nom de l'album normalement. Le groupe sort son premier album, On Truth The Night, en mars 80, et celui-ci atteint le top 15 en Angleterre. Premier album, c'est pas mal. Le groupe part en tournée US, direct. Premier album, Là-bas, vas-y, tu c'est files, parti. tu dégages. En ouverture de Pat Travers, ACDC et Ted Nugent. Rien que ça. Ils sont repérés par Robert Mute Lange, le célèbre producteur d'ACDC, puis une année plus tard, l'album High and Dry, produit par Mute Lange, le même, voit le jour. L'album connaît un bon succès dans les charts grâce au single Bringing on the Headbreak, pardon, qui passe beaucoup sur MTV. Ah bah oui. Le groupe part alors en tournée européenne en première partie d'Ozzy Osbourne. Je trouve ça assez sympa, c'est des mecs qui commencent leur, leur carrière en faisant des reprises d'un groupe et qui font la première partie du même groupe quelques années plus tard. C'est sympa, c'est sympa. Donc voilà, alors je crois que tu dois parler de Hysteria. Ah purée, c'est ça, Hysteria, exactement. Tu fais bien de me le dire. Voilà, donc qui est leur plus gros succès. Donc c'est pareil, je vais pas continuer parce qu'il y a un paquet de choses à dire sur Def Leppard. Comme le batteur qui perd son bras dans un accident de voiture. Mais qui, par un ingénieux procédé, avec, si je me trompe pas, la pédale Charley, remplace son bras. Donc il a perdu son bras gauche de mémoire. Et voilà, la pédale Charley remplace le... Il n'y a pas un système de double baguette aussi? Alors, je sais qu'il y a... Non, je crois pas. Je croyais qu'il y avait un système de double baguette. Il a un système de pédale, je crois qu'il doit faire les... D'accord, bah, ouais. Autant pour moi. De mémoire, il faudrait voir sur scène directement, ce serait beaucoup plus simple. Mm-hmm. Ce qui ne sera pas mon cas. Mais je compte sur toi. Voilà. Donc, bon, ils ont un paquet d'albums, hein, quand même, depuis le temps. À compter, alors je vais 80, 81, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, quand même, depuis 80, c'est pas mal, voilà. Bon bah j'ai écouté, hein, mis à part les morceaux connus, hein, on va dire, ça me parle pas moi. T'as pas écouté le dernier album? Le dernier album? Bah ouais. Pourquoi? Je t'avais dit, il y a des trucs super bien dedans. Ouais, bah non, j'ai pas dû l'écouter. Ou j'ai commencé à l'écouter, puis ça, je sais pas, c'est peut-être la voix qui me gêne. Mais ouais, non, c'est... Je sais pas, ça me parle pas. D'accord. Mais bon, peut-être que le dernier album, j'irai voir, j'irai écouter ça. C'est quoi son petit nom? Dernier album. Ah ouais, carrément. Ah, les mecs, ils se font pas chier, quoi. Bah non, du coup. Ouais, donc du coup, t'as pas aimé, alors? Ça me parle pas plus que ça. Alors, pour somme, Sugar and Me, ça, c'est un des morceaux les plus connus, justement. Ouais, c'est pas ce que j'aime bien non plus, moi. Mais il y en a, j'ai un album de Def Leppard à la maison. Ouais. Ah non, il y a des vrais morceaux que j'aime bien. Ils sont dans le pur style heavy, New Wave of British Heavy Metal. Et j'avais été Mais déjà, moi, je suis pas trop fan de ça, donc de base. Mais donc ça n'aide pas. Tout à fait, mais et le dernier album, j'avais écouté à sa sortie et j'avais été assez agréablement surpris. Hein. Tu vois, moi j'ai Rétroactive. Moi j'ai celui-là. D'accord. Et j'ai écouté aussi. J'ai Untrunk the Night aussi. J'en ai deux. J'en ai deux. Mon dieu. Ah ouais. Oh, je suis un fan. Du coup. Non, et puis vraiment, le dernier m'avait assez surpris parce que je m'y attendais. C'est le premier album. Hein? C'est le premier album, Into the Night. Ah bon? Non. Oh non? Ah si, peut-être. 80. Très très bien. Non, je sais pas, moi j'aime bien. Je dirais pas que c'est mon groupe de la vie ou quoi que ce soit, mais il y a des morceaux que j'aime bien et que ça passe bien, c'est pas. Ouais. C'est ni méchant ni rien, donc. D'accord. Bah du coup t'iras voir les Warm Pass à la place. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est. Ouais. Est-ce que Hellfest, on est obligé d'aller voir des concerts? Oui. Bah tu veux faire quoi d'autre? T'as pas le choix. Attends, 21h05, 22h20. En même temps, il reste Mercure. C'est ça. Bon, donc rien à ajouter sur Def Leppard. Désolé. C'est pas grave. T'as le droit. J'ai essayé. Ah mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Du coup. Bah voilà, c'est la fin de l'épisode, hein, je pense. On peut dire que ça fait 2h08. Quand même. Donc on peut sensiblement arrêter là. Ouais. Bon, bah à la semaine prochaine. C'est ça. Et non, on va tirer des groupes quand même. Hein. Faut pas déconner. Hein. Bah attends. Alors. Ah, c'est moi qui ai tiré le dernier, donc c'est à toi de tirer. Oh bah ça fait plaisir. Valley of the Sun. Oh le salaud, putain. Mais en plus tu connais déjà toi. Je connais pas tout. Bah Def Leppard non plus hein. Si tu vas par là. À moi. Ah Ah, bah, Mantard. Mantard. D'accord. Mantard. Ouais. Parce que t'as un doute? Non, mais tout à l'heure, j'ai pas parlé d'un truc qui s'appelait Mantard. Si. C'est Mantra. Mantra. Ah, bah. Tu vois? Ouais. Ouais, comme quoi, tu vois? C'est assez. J'étais pas loin. C'est pétrant. Alors. Gvelartak. Oh, spé... Mais vas-y, mais écoute, hey, ce qu'on fait, c'est que cette année, tu prends tout. T'as quoi après? Tu vas avoir Death Angel aussi? C'est bon, quoi. Imagine. Putain. Imagine. Ce serait dommage. Putain, mais merde. Putain, c'est quand même moi qui ai créé ce podcast. Mercure, bah ouais, génial. Bah tiens, génial. Super. On en parlait il y a. Bah quoi. Oh. Mercure, folle, que zan. Mais putain, mais trouve un vrai nom, quoi, merde. Nasty. Ou Nastai, si tu préfères. Je ne préfère pas, je ne connais pas. Nastai. Très bien. Amoisme. Empereur. Et ben voilà. C'est trop... Ton dernier groupe. Putain, empereur. D'accord. Ah bah, Eagle of Death Metal. Ah bah voilà, au moins il y a une justice. Ah, ça fait chier. Parce que j'avais pas envie d'écouter ça, moi. Ouais, non, bah moi je connais, donc j'aurais pas besoin de les réécouter. Bah si, quand même, il y a peut-être des nouveautés qui sont sorties. Ah, Death Angel. Ah. Ah, il y a une justice. Ah, il chiale. Ah, il chiale. Putain, ils sont en interview dans le regard de ce mois-ci, en plus. Eh bah, tu vas pouvoir en parler. Ah, putain, ça me debout. Ah, tu vois. Ah, quand même, merde. Putain de bois. Voilà, et eh ben écoutez, vous connaissez donc maintenant les 8 groupes de la prochaine émission. Les playlists seront à retrouver dès après-demain sur notre page Facebook si je me sors les doigts et que je m'en occupe. L'épisode, lui, sera en ligne normalement demain si, pareil, je m'en occupe. Je remercie Bob d'être resté jusqu'au bout parce que là, moi, tel que je le vois, j'ai l'impression qu'il est en train de sombrer. Ça fait... ouais. Je sombre. Complètement. Mais comment ça se fait? C'est quoi qui te fait sombrer, là? C'est la vie. Oh, c'est... La vie me fait sombrer, mec. Bon, bah, en tout cas, voilà. C'était... donc, on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera 18h, mardi. Hein? Ouais. Ça sera jouable, c'est bon pour vous? Oui, bon, on fera en sorte que... Très bien. Donc, C'est ça. On vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne journée. Merci à tous d'être présents et de nous voir autant de retours. C'est grâce à vous qu'on tient et qu'on trouve la force jusqu'à des heures si tardives d'animer ce podcast tant qu'on peut. Donc, ah, ouais, bien sûr. Donc là, je fais un peu durer parce que je vois qu'il n'en peut plus, donc ça me fait bien marrer. Donc, sur ce, on vous aime. Et on vous emmerde. Sabot de bois. Bon, là, je... Ouais, ouais, c'est bon. Ouais. Éteins-moi ton truc et rentre chez toi. Ouais, c'est ça, exactement. Allez, casse-toi. Et oh, on peut trinquer. Eh, mais on trinque pas la dernière gorgée. Allez, mon ami. À bientôt, les gens. Bisous.